89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Léa Tessier nous fera découvrir des styles musicaux dans sa chronique Mash-up musical. Et David Ferron nous parlera encore une fois de l'Eurovision dans sa carte bleachée. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 1er mars 2018. On est à 57 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Sifou à Trois-Rivières, là où il y a de la neige partout. Et quand on voit même pas les pancartes de rue. On a eu. Je sais pas d'où ça sort parce qu'il annonçait de la pluie hier soir. Il annonçait beaucoup de pluie, mais ça s'est comme transformé en neige. J'ai pas mouillé hier. On a comme une mini-tempête. Ben, c'était une journée bizarre hier. Hein? Ouais. Quand je suis parti hier à 9h, et en passant, je te remercie encore de m'avoir remplacé pour ça la dernière plaisir. Heure. Ouais. Mais à 9h, il faisait tellement soleil. Oui, c'est ça. Je suis parti là-bas, j'aurais pu y aller en t-shirt. T'sais. Je comprends pas trop. C'était incroyable. Et après ça, en soirée, badaboubabing, la neige de partout. Fait que je suis retourné chez moi à 9h hier soir. Ouais. Hein? Avec ma sinusite, pitot. C'était incroyable. Belle journée. On en parlera dans quelques instants, d'ailleurs, de cette journée-là. Ben oui, hier, certainement. Pour moi, étant donné que tu as demandé des informations hier, je t'ai entendu. Oui, il m'a écouté. Aucun secret. Aucun secret. Bref, avant de faire ça, parlons du plan d'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est une journée bizarre encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mêmes chroniqueurs qu'à l'habitude. David Ferron, vous vous rappelez, a changé de journée, donc il est rendu avec nous le jeudi matin. Il va être là à 8h30 pour sa carte bleachée. On va parler un petit peu aussi du Zone Campus, mais dans la carte bleachée, ça va être de l'Eurovision, donc de la musique. Comment dire? De la musique. Oui. J'ai pas de mots pour ça. C'est un spécial, plus. Comme toujours. L'Eurovision. L'Eurovision, un concours musical. Alors, on a aussi Léa Tessier qui habituellement est avec nous le lundi. Elle pouvait pas être avec nous ce lundi dernier, mais elle va être avec nous aujourd'hui, ainsi que lundi qui s'en vient. Deux chroniques en quelques jours à peine. Quoi, quatre exact. Jours? Exact. Mm-hmm. Sinon aussi, ta chronique s'en vient. Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles? Bien, aujourd'hui, on est jeudi, hein? Alors on va baigner dans ce qu'on baigne tout le temps, c'est-à-dire l'alimentation! Ah oui! Eh bien oui. Aujourd'hui, on va un petit peu parler aussi des dépanneurs, considérant l'alimentation qu'on peut avoir dans les dépanneurs. Chose qui est quand même assez rare. Or lack thereof. C'est ça, vous allez voir. Il va peut-être y avoir quelques changements. Hop, OK. Ouh. Ah ben, hey, ça serait le fun si les pharmacies arrêtaient de vendre des chips, du chocolat. Mais faut t'arrêter de passer dans ces allées-là. Ouais, mais je suis là, toi aussi. Je suis là, de toute façon, en tout cas. Contrôle-toi, Mathieu, ouais, contrôle-toi. Je sais. J'aime ça accumuler des points. Donc, dans quelques instants, je vous parle, comme je disais, de ma journée d'hier. Mais avant ça, on écoute Canular. Voici Sirénie de secours, tout de suite à Assemblage Requis. Le monde est pas sans blague. canular et cérémonie de secours dans Assemblage requis ce matin. Hey, c'est bon ça. Hey, c'est excellent. C'est bon. Oui, c'est vrai que c'est Assemblage requis. Oui, c'est vrai que c'est l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, c'est un petit moment spécial que j'appelle Mathieu is gonna enter Tanya. Oh boy. Mais pas entrer dans. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Ok. C'était une petite Tanya qui avait besoin d'informations. Fait qu'à demander à Mathieu, puis il est allé sur Google. C'est Mathieu qui va entertainer Tanya. Papa. J'ai pensé à ça pendant que j'étais aux toilettes. Hein? Ah, mon Dieu, hey, hein? Mathieu a de belles réflexions, sa bol de toilette. C'est délicieux, tout ça, je te l'enlève. T'aimes ça voir ça? À quel point ça a l'air merveilleux. Je suis tanné, tu penses? Ben, je pense que oui. Ça fait quoi, dans l'année, mettons, scolaire, jusqu'à maintenant, peut-être 2 ou 3 mois de suite, mettons? Ouais, là? Approximativement. Peut-être 4. Mathieu est comme malade aux 3 semaines. Ouais, et il aurait besoin d'avoir un petit congé de maladie, mais... Il n'y a pas ça dans vie. Mais non. Il n'y a pas ça dans vie. Donc, à la place, ben il attend. Puis, à un moment donné, il va voir le médecin. Hein? Puis, le médecin lui dit ce qu'il y a, mais pas vraiment. Hein? C'est ça. Dans le fond, mon médecin, il n'avait pas l'air de trop savoir ce que j'avais hier quand je suis allé le voir pendant l'émission à 9h hier. Mm-hmm. Et puis, bref, il me dit, tu sais, ça se peut que ce soit peut-être la moisissure, comme on l'avait comme théorie, mais en même temps, ça se peut que ce soit pas ça. Le rhume, des fois, se développe en quelque chose d'autre. Et justement, mais ça m'a donné l'envie d'aller voir nos amis de chez Midi Ressources. Oui. Pour savoir qu'est-ce que j'ai si c'est une sinusite. Et je pense que c'est probablement ce que j'ai. Donc, je vous renseigne sur la sinusite en général pour que vous sachiez peut-être vous-même si vous l'avez, hein, ou si vous allez l'attraper de moi, on va voir. Quelle bonne idée. Hein? Donc, le médecin a établi généralement le diagnostic de sinusite aiguë. En se fondant sur l'histoire de la maladie, par exemple un rhume récent qui pourrait justement créer ça, les symptômes comme leur moment d'apparition, leur gravité et leur durée, et un examen physique, évidemment. Un diagnostic de sinusite aiguë bactérienne mm-hmm. est généralement établi dans les cas suivants. Symptôme 1, des symptômes qui durent plus de 7 jours. C'est pas mal mon cas. C'est vraiment ton cas. Un écoulement jaune ou vert, purulent, c'est... provenant du nez. C'est aussi ton cas. J'ai la preuve juste à côté dans le mouchoir de tantôt. Un des symptômes suivants, donc un parmi la liste, douleur ou sensibilité faciale, hein, mm-hmm. altération des odeurs, tu sais, tu sens rien, ou obstruction nasale, clairement. T'sais. Ensuite, la tomodensitométrie, un TDM peut révéler l'étendue et le siège de l'infection dans les sinus. Toutefois, ces examens ne sont habituellement pas faits, sauf si la personne subit des complications de la sinusite, souffre de sinusite chronique n'ayant pas répondu au traitement, ou pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale. En cas de sinusite chronique ou à répétition, votre médecin pourrait vous proposer des tests d'allergie pour vérifier si les allergies sont responsables des symptômes de sinusite. J'ai demandé à mon médecin justement c'est quoi la façon de savoir si c'est vraiment quelque chose de précis. Est-ce que je devrais aller voir un allergologue? Oh non, on verra plus tard. Prenez ce programme-là que je vous donne, on verra. Fait que probablement que c'est comme, OK, là, à un moment donné, ça va faire tellement de fois que je vais être allé qu'il va falloir à un moment donné que j'aille voir un allergologue, mais il a l'air de vouloir repousser ça plus tard pour une raison que j'ignore. Bref. Obtenez immédiatement des soins médicaux si vous avez n'importe lequel des symptômes suivants. Donc, je vous donne une liste et il faut en avoir un seul. Hein? N'importe lequel. Un mal de tête intense, une altération de l'état mental. Mm-hmm. Hein? Altération de l'état mental. Ah. Une altération de la vue ou des signes d'une infection plus grave comme une fièvre de plus de 39 degrés Celsius. Puisque la plupart des cas de sinusite sont causés par un virus, ça c'est la sinusite virale, hein? Votre médecin et votre pharmacien pourraient seulement vous recommander des décongestionnants oraux comme la phénylephrine ou la pseudoéphédrine. Ce que j'ai pris, moi j'appelle ça du Mucinex des fois, hein? J'ai du Mucinex, ça aide effectivement à au moins débloquer un petit peu les sinus. Ou sinon, topiques comme de l'oxymétazoline ou de la zilométazoline, c'est autre chose, là. Je connais moins ça des topiques, j'en ai pas eu encore. Des vaporisateurs nasaux, ce que j'ai aussi, ou des solutions de rinçage à base de salé physiologique et des analgésiques comme l'acétaminophène et l'ibuprofène pour aider à soulager les symptômes. Vraiment, je t'en ai parlé en ronde du navage, le système qu'on voit tout le temps annoncer à la télé. J'ai trouvé, pour les gens que ça intéresse et qui sont un petit peu croches dans leur vie des fois, un hack qui vous permet de ne pas avoir à acheter leur capsule saline. Parce que ce qui est fun avec navage... Qui coûte très cher, très disons. Cher. La machine navage en tant que telle coûte environ 80-90$, dépendant mm-hmm. de si vous avez un spécial. Et la machine est extraordinaire. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné aussi bien. J'ai essayé toutes les sortes de rinçages nasaux. Celui-là me fait sortir des monstres sous mon lit. C'est incroyable. Wouhou! Hein? Wouhou! Party! Party auquel tout le monde est invité. Hein? Ouais, c'est ça. Mais bref, les petites capsules coûtent environ 35-40 cents mm-hmm. Chaque si vous les achetez en gros bundle de 90 comme je l'ai fait. Sinon, ça peut aller plus haut que ça, 50 cents parfois. Et quand t'en fais deux de suite, parce que oui, deux de suite, ça fonctionne deux fois plus parce que tu vois qu'il y a deux fois plus d'affaires dans ton contenant. Mais bref, Il y a un hack pour ça. C'est assez facile de trouver sur YouTube, hack navage, N-A-V-A-G-E. C'est simplement de mettre une capsule déjà utilisée. Dans le fond, c'est simple pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un aspirateur nasal. Donc, ça fait passer de l'eau salée dans une narine et la fait sortir par l'autre, mais dans le réceptacle du bas. Mm-hmm. Et le sel vient annuler le pH de l'eau. Parce que quand tu prends de l'eau directement dans ton nez, ça fait mal que le colline. Mm-hmm. T'as jamais vécu une douleur dans le nez comme ça, tu sais. Bref, le sel vient annuler ça. Et fait que ça fait pas mal du tout. C'est même plaisant de vider le nez et de pouvoir respirer après pour ceux qui ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas de problème, ben, c'est toujours bon un petit lavage nasal, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de lavage. Ouais, c'est ça. T'sais, allez-y avec la petite théière habituelle là, qu'on se met dans une narine. Ça va se garder une petite gêne. Mais tu sais, profitez-en. Essayez-le, juste pour le fun. T'sais, 2-3 fois, là, peut-être la première va être un petit peu plate, là, mais peut-être. Après ça, ça vaut tellement la peine. J'étais rendu où, moi, là, avec ça? Je ne pourrais te dire. Des vaporisateurs nasaux ou des solutions de rinçage, comme j'ai dit. Des analgésiques, des petites pilules comme l'acétaminophène et du ibuprofène, donc l'Advil, l'aspirine, des trucs comme ça pour aider à soulager les symptômes. Si vous avez une maladie cardiaque, une pression artérielle trop élevée, une maladie de la thyroïde, le diabète, le glaucome ou un trouble de la prostate, ou si vous êtes enceinte et si vous allaitez, il faut consulter un médecin avant de prendre ces médicaments-là. Il faut faire bien attention. On parle de sinusite en passant. En ce moment, on parle de sinusite virale et plus tard, on va parler de ce que j'avais potentiellement la bactérienne. Donc, on était rendu en parlant des décongestionnants qui ne doivent pas être employés plus de 3 à 5 jours consécutifs car ils peuvent provoquer un effet de rebond. Oh. Donc, empirer le truc, c'est comme quand tu prends trop de pilules pour le mal de tête, ça crée des maux de tête encore plus élevés. Bref, l'inhalation de vapeur chaude et l'emploi d'un humidificateur à vapeur froide. Okay. Froides peuvent procurer un soulagement. Il peut également être bénéfique d'ajouter un décongestionnant à base d'eucalyptus ou de menthol dans de l'eau très chaude. Bien que sans danger pour les adultes, les décongestionnants ne sont pas recommandés pour les jeunes enfants, donc faites attention à ça. Si ces mesures-là ne soulagent pas les symptômes au bout de 7 jours pour les adultes ou 10 à 14 jours pour les enfants, ou encore si les symptômes sont graves, le médecin pourrait alors prescrire un antibiotique, ce qui est mon cas, hein, pour ma sinusite à moi. En règle générale, un antibiotique n'est pas prescrit parce que la sinusite aiguë est souvent d'origine virale. C'est ce qui me fait penser que c'est une bactérienne que j'ai en ce moment, parce que virale n'aurait pas besoin d'antibiotique. L'antibiotique, c'est pour ce qui est bactérien, si je comprends. C'est bien ça. Ça dit. Parce que la sinusite aiguë est souvent d'origine virale, c'est pour ça qu'on n'aura pas d'antibiotiques. Par contre, si un antibiotique devient nécessaire, il faut généralement le prendre de 10 à 14 jours. Si l'infection devient chronique, donc si elle dure plus de 3 mois, le traitement antibiotique peut être prolongé, probablement jusqu'à 3 semaines. Ouh. Avant de vous prescrire un antibiotique, justement, votre médecin pourrait vous poser des questions concernant les antibiotiques que vous avez déjà pris, ainsi que vos antécédents médicaux. C'est essentiel. C'est très important que le patient prenne tous les comprimés conformément aux directives du médecin. Donc, si ça dit de le prendre tout le temps à la même heure, il faut le prendre tout le temps à la même heure parce qu'il y a exactement 24 heures dedans. Il faut qu'il y ait un enchaînement et que les deux se complètent bien. Bref, même lorsque les symptômes sont disparus, il faut continuer de les prendre. Sinon, les bactéries peuvent se multiplier à nouveau et développer une résistance à cet antibiotique-là. Très, très important. En cas de sinusite chronique, ce qui revient souvent, hein? Mm-hmm. Genre surtout moi, chez toi. C'est ça. Le médecin pourrait prescrire un corticostéroïde, ce que je prends déjà à l'année longue pour le reste de mes allergies. C'est en pulvérisateur nasal. Moi, il m'a prescrit du cortisone et il n'a pas prescrit de corticostéroïde à part parce que j'en avais déjà. Avec ou sans antibiotiques, moi c'est avec. Le médecin pourrait aussi vous recommander des rinçages à l'eau salée, comme j'ai dit tantôt, et un décongestionnant pour soulager les symptômes. Si les allergies contribuent à la sinusite chronique, il pourrait même ajouter un antihistaminique. Ça, c'est la même chose que dans les pilules pour les allergies. Finalement, si la sinusite chronique répond à aucun traitement, là, ben, il pourrait y avoir une intervention chirurgicale. Oh! Il n'existe pas de moyen sûr de prévenir toutes les causes de sinusite, mais on peut diminuer le risque d'infection virale en se lavant les mains fréquemment et correctement, en évitant la fumée du tabac et en réduisant son exposition aux produits auxquels on est allergique. Ensuite de ça, on rappelle qu'on parle de ma sinusite chronique à moi, là, mais ça peut être pas mal celle de n'importe qui finalement. Oui, quand même. Hein? Hein, donc, on disait que les sinus sont des cavités dans les os situées derrière le visage. La cavité nasale se trouve directement derrière le nez. De grands sinus sont situés de chaque côté de la cavité nasale. Et une rangée de plus petits sinus se trouve derrière la racine du nez. Et ensuite, il y a deux autres grands sinus qui sont situés au-dessus et derrière les sourcils. Oh! Ça veut dire ça? Les sinus derrière les sourcils? Ben non, je savais pas ça. Ben oui. La sinusite, qu'est-ce que c'est? C'est l'inflammation des sinus. OK. Bon. Inflammation des sinus qui peut être liée à une infection d'origine virale ou bactérienne, comme on disait tantôt. Mais ça peut également être provoqué par une inflammation non infectieuse, avec des allergies par exemple. La sinusite peut être aiguë et durer moins de 4 semaines, ou sinon elle peut être chronique, durée de 8 à 12 semaines, sinon plus. Et ensuite, la sinusite aiguë, qui est très fréquente, environ une personne sur 10, presque 10%. des gens ont une sinusite aiguë. Les personnes qui souffrent d'asthme, de fibrose kystique ou d'allergie sont plus sujettes à la sinusite, tout comme celles qui ont déjà subi une fracture du nez ou qui sont nées avec une malformation du septum. Oh. Ça, c'est la petite cloison, un petit mur entre les deux narines. Il y en a qui s'est déformé d'un côté ou de l'autre. Justement, le risque de complications liées à la sinusite est plus élevé chez les personnes qui ont le diabète ou une immunodéficience. Les sinus produisent, et là, ça va être la période un petit peu plus... dégueulasse à entendre, ben peut-être pas aussi dégueulasse que quand j'ai craché dans mon Kleenex au bout de la fenêtre. Bref, les sinus, j'ai pas le choix. Les sinus produisent du mucus qui nous aide à percevoir les odeurs et à nettoyer le nez. Ce mucus est expulsé par des sinus par des milliers de petits poils qu'on appelle des cils qui bougent à l'unisson pour créer une sorte de mouvement de convoyeur. Les particules étrangères et les micro-organismes qui entrent dans les sinus sont piégés dans le mucus et retournés vers le nez pour protéger l'organisme. Pour atteindre le nez, le mucus s'écoule par de petits orifices dans les os où sont situés les sinus. En général, une sinusite commence par un rhume. On se rappelle au début du mois de janvier, j'ai eu un rhume ou une grippe, peu importe. Ça peut être un rhume, une grippe ou une autre infection virale. Ces infections-là provoquent une enflure de la muqueuse nasale. Ça, c'est la membrane qui tapisse l'intérieur du nez. La muqueuse gonflée exerce une pression sur l'orifice qui, normalement, laisse écouler le mucus. La plupart des cas de sinusite sont causés par des infections virales. Toutefois, chez certaines personnes, une infection bactérienne peut provoquer la sinusite. Peut-être des champignons. Lorsque le sinus se remplit de mucus, l'oxygène vient à disparaître, ce qui crée un milieu idéal pour la croissance des bactéries. Souvent, les bactéries sont déjà présentes dans le nez. T'as des bactéries peut-être en ce moment même dans le nez. Peut-être. Mais ça provoque pas d'infection parce qu'elles sont maîtrisées par les défenses immunitaires naturelles de ton corps. Chanceuse, toi. Est-ce les défenses du corps, par exemple les cils, dont on parlait tantôt, le drainage des sinus ou le système immunitaire fonctionne au ralenti, les bactéries peuvent provoquer une infection. Et dans de rares cas, la sinusite peut être provoquée par une infection fongique. Ça, c'est une autre catégorie ici. Les personnes qui contractent des infections fongiques des sinus ont habituellement d'autres problèmes médicaux qui réduisent leur capacité de combattre les infections, par exemple, si t'as le VIH ou la fibrose kystique. D'autres facteurs qui causent une inflammation nasale peuvent entraîner une sinusite. La rhinite allergique saisonnière, ce qu'on appelle communément le rhume des foins, et d'autres allergies augmentent, par exemple, le risque de sinusite. Les symptômes de la sinusite sont très différents de ceux du rhume ou de la grippe. Les principaux symptômes sont la douleur ou la pression dans le visage, la congestion, l'écoulement nasal ou dans l'arrière-gorge. Tu sais, la petite... Mm-hmm. Où t'as la luette, t'as l'impression que c'est la luette que t'as de la misère à avaler, mais c'est du mucus. Une certaine perte de l'odorat, comme on a dit tantôt. Le siège de la douleur dépend du ou des sinus touchés. Le mal de tête, la mauvaise haleine, étrangement. Si tu veux pas avoir mauvaise haleine dans la vie, t'as tout le temps peur d'avoir mauvaise haleine. J'ai-tu mauvaise haleine? La fatigue et la toux, qui se figurent aussi parmi les autres symptômes de la sinusite. Une infection d'un sinus inférieur, qui s'appelle le sinus maxillaire. Et là, c'est la partie intéressante. Tania, je t'en ai parlé. Oui. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Peut-être que vous, à la maison, vous trouvez ça plate à mort. Mais depuis une semaine environ, qui est mercredi passé, où j'ai commencé à avoir une voix vraiment qui est déplaisante. Rauque. Là, un petit peu moins pire ce matin, mais je le sens quand même. Mais je disais que j'ai mal à la mâchoire à droite. Et que quand je mange quelque chose, peu importe ce que je mange, ça peut être du mac and cheese hier, délicieux, à Chasse Galerie, mais ça me fait super mal. Mm-hmm. Et même juste serrer les dents, ça me fait mal aussi. J'ai ma réponse, Tan. Ah ouais? Une chance que je fais cette chronique-là Mon aujourd'hui. Mon Dieu! Une infection d'un sinus inférieur, donc le sinus maxillaire, cause des maux de dents au niveau de la mâchoire supérieure et une douleur sous les yeux, tandis qu'une infection des sinus de la partie supérieure du visage, donc les sinus frontaux, provoque des douleurs au niveau des tempes. L'infection des petits sinus situés entre les yeux cause une douleur entre et derrière les yeux. Ça, c'est les sinus ethmoïdes. Donc, ça a du sens que j'ai du mal à la mâchoire. Ben moi aussi, je savais pas ça. Du mucus, on a parlé tantôt, pas besoin de vous répéter qu'il est jaune ou vert. Peut s'écouler du nez, ou de la bouche. Le mucus peut parfois sentir mauvais. J'ai jamais testé ça. Une chance que j'ai la perte d'odorat qui va avec la sinusite, parce que j'ai pas senti mon mucus. Je vais continuer de pas le sentir, ça me dérange pas. Bonne idée. La personne qui souffre de sinusite peut ressentir un malaise généralisé et faire un peu de fièvre de moins de 38 degrés Celsius. La sinusite virale est différente de la sinusite bactérienne du fait qu'elle disparaît généralement en moins de 7 jours. Et si les symptômes persistent plus de 7 jours, l'infection est probablement de nature bactérienne. La sinusite aiguë, elle, dure environ 2 semaines. Par contre, chez certaines personnes, l'infection dure plus longtemps. Les personnes qui ont plus de 4 symptômes par année, 4 épisodes par année sont considérées comme étant atteintes d'une sinusite aiguë récidivante. Oh. C'est peut-être moi, ça. Hein? Ben oui. Il devrait être dirigé vers un spécialiste. Mais là, je pense que j'étais littéralement à peut-être ma deuxième ou troisième sinusite depuis l'automne. Fait peut-être qu'à la prochaine, ce sera là. Hein? Mm-hmm. On va voir. Quand les symptômes durent plus de 12 semaines, là, on qualifie ça de sinusite chronique. La sinusite peut parfois provoquer des complications graves, faites attention, notamment des abcès et la méningite, qui est une infection des membranes qui entourent le système nerveux central. Donc, on niaise pas avec ça. Hein? Voilà. S'il vous plaît. La page, si ça vous intéresse, va être sur assemblagehockey.com dans les notes de l'émission pour en savoir plus sur l'infection des sinus. En passant, quand tu cherches sinusite virale ou sinusite bactérienne, ouais, ça t'envoie à la page de la grippe saisonnière parce que techniquement, ça fait partie. Oui, c'est ça, ça fait partie de ça. Hein? Fait que, hein, pensez pas que vous avez pas la grippe. J'ai probablement quelque chose qui ressemble à la famille de la grippe. Exact. Étant une sinusite probablement bactérienne. Voilà. Tu vas survivre. Merci. Ne lâche pas, Mathieu, ne lâche pas. Je suis à ma première journée d'antibiotiques hier soir. Mm. On va continuer comme ça, hein, avec pas de congé maladie, donc on va faire de la radio en même temps. Ben oui, ben oui. Ça met du piquant dans nos émissions. C'est ça, exactement. Ça rend ça tellement le fun à l'oreille. Tout à fait. Voilà pour cette petite chronique de Mathieu is gonna entertain Tania. Je pense que ça se dit mieux que enter Tania. Ouais, ouais. Quand ouais, tu merci. Penses, là, que... Ouais. J'allais perdre le fil de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on s'en va entendre Sidetracked par Born Ruffians. Assemblage requis, restez là, Léa TSC s'en vient tantôt et avec son mashup musical. We'll be right back. 89. Vous êtes de retour dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh, que oui. Oh, oui, oui, oui. Maintenant, on va revenir quasiment au lundi parce qu'on va avoir l'humeur du lundi, l'environnement du lundi. On a des flashbacks à lundi. Parce que Léa Tessier est avec nous, elle qui est habituellement le lundi matin à 7h30. Salut, Léa Tessier. Salut. Ça va? Oui. T'es pour une chronique spéciale en ce jeudi, mais tu vas venir aussi lundi, donc t'as deux fois plus de chances d'attraper un virus. En studio avec moi. Là, fais-y pas peur, Mathieu. Non, mais là, c'est pareil. Ben là. Pauvre elle, pauvre petite fille. Bref, Léa, qui nous présente différents styles musicaux dans sa petite chronique mashup musical. De quoi est-ce qu'on parle? Quel style musical tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être le métal néoclassique. Ah, là, d'accord. Le métal néoclassique. Classique, ça veut dire vieux, genre? Comme ben, connu ça veut dire classique, quoi. Ben, c'est classique, ça peut pas être récent. Ben, ça peut être la musique classique. Musique classique. Et néo, ça, c'est nouveau, fait. Je pense qu'il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Mmh. Hein? Ouais. Qu'est-ce en fait, que c'est? Musique classique, là, en fait, ça peut désigner plein de choses. Ah ouais. Hein. Mais là, ça désigne la musique qui était en Europe de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de notre époque. Mmh. Donc 1500-1800 à peu près. C'est une musique savante. Savante. Intelligente, donc. Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances très poussées en musique. Pour l'apprécier, tu penses? Non, pour c'est pour la jouer. Ah, c'est ça, ok. Parce que j'espère qu'on va être capable de comprendre la musique. Sur les rythmes, les mélodies, je sais plus, les harmonies, les trucs comme ça. Enfin, il y a des règles très précises, en fait. Ok. Mais je les connais pas. Non, c'est ça, on n'est pas les musiciens. Voilà, désolé. Mais c'est déjà que je chante sur les intros des gens. Je veux pas jouer de la musique dessus. C'est assez. C'est assez. Bref, on disait néoclassique. Puis sinon, elle est conservée par écrit, en fait. OK. C'est pas comme la musique populaire, en fait. C'est une performance, vraiment, comme c'est enregistré sur un CD. OK. Alors que là, c'est vraiment par écrit, enfin comme Vivaldi, Mozart et tout. Pour que d'autres puissent les faire à travers le temps. Oui, voilà. Avec un orchestre. Voilà. Et sinon, le compositeur, il est plus connu que l'interprète. OK. Contrairement à notre musique à nous. Ouais, ou c'est la personne qui la chante qui est la plus connue. Voilà, c'est et ça. 5-10 personnes ont écrit genre les une ou deux phrases de la chanson. Genre, ça. De nos jours, c'est pas mal ça. Les petits succès pop écrits par 12 personnes pour deux phrases. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, écoutons une première pièce, c'est par Apocalyptica. Oui, c'est ça. Je me souviens plus ce que je dis. C'est Hall of the Mountain King. Voilà, je l'ai. Oui. Hall of the Mountain King, on écoute ça et on en parle encore plus après. Thank you. ça c'est épique! C'est Apocalyptica avec Hall of the Mountain King. C'était vraiment malade, ça. Ouais. C'était vraiment bon. Hein? Léa Tessier est toujours avec nous pour sa chronique et mashup musical. Donc, tu as dit que c'était une reprise d'une chanson classique qu'on connaît tous? Oui, c'est ça. En fait, je connaissais pas le nom avant. Ça s'appelle Dans l'antre du roi et le compositeur, c'est Edvard Grieg. Oh! Grieg. Yeah. Hmm. Je sais pas comment ça se dit. Mais j'ai aimé le fait que ça avait l'air d'être comme tellement... C'est pas un beat constant, ça a l'air de bouger beaucoup, donc c'est sûrement des formules mathématiques, d'harmonie. De... Oui, c'est ça. Puis les deux bougent beaucoup, en fait. Ouais. Ça se ressemble un peu dans ce sens-là. Ça a l'air de vouloir se battre un peu comme le... C'est quoi le... C'est cinématographique, c'est malgré ça. Tout. Mais c'est quoi le fiddle avec le diable, tu sais, le diable qui joue contre quelqu'un et joue du violon avec, tu sais, là... Oh my god! Comment ça s'appelle, déjà? Hey, je me souviens pas de ça. Ah... En tout cas, j'y reviendrai tantôt, mais ça ressemblait un petit peu à un combat de musique, genre ouais. L'un veut affronter l'autre, le battre musicalement. C'est cool. Hein? Ensuite, Léa. Donc ça, c'était une reprise. En fait, il y a des groupes de métal qui font des reprises de chansons de classiques. Ouais. Et il y a... On se rappelle qu'on parle de néo, le classique, néo... Non, c'est quoi le terme? Métal néoclassique. Métal néoclassique, c'est difficile à retenir. Oui. Trop de mots là-bas. Donc en fait, ça s'est popularisé à la fin des années 80. Mm-hmm. Parce que justement, des artistes de métal ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à reprendre des musiques classiques. Surtout des 17 et 18e siècle. Et du coup, c'était des musiques qui étaient plutôt instrumentales. Et il ouais. y a aussi eu un autre truc à la mode un peu, c'était... la virtuosité des musiciens. Ouais. En fait, c'était surtout des guitaristes qui étaient très, très doués. Ah, tu vois même pas les doigts bouger tellement ça va vite. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont très vite et c'est très technique ce qu'ils font. Ouais. Et on voit ça dans la prochaine musique. Oh, on est déjà dans une deuxième pièce qui est celle de Concerto Moon. Oui. C'est bien ça. Donc, c'est Noah's Ark qu'on écoute. À Assemblage Rocky, c'est la chronique du mashup musical avec Léa Tessier. attrapez-les tous! Pokémon! On dirait l'introduction d'un animé japonais, tu trouves pas, Léa? Oui, mais justement, ils sont japonais. Ah bah! Oh! Oh! Oh! Surprise! Mathieu était tellement bon. On l'avait fait en ronde avant, puis c'est justement un mauvais acteur. Fallait pas que tu le dises, ça! À quel point tu pètes toutes les punches? Je suis trop un gars ouvert. Ben oui, je vois bien ça. Tu sais, je crache en onde, tu sais. Je suis vraiment ouvert. Je sais pas savoir. Léa Tessier, qui est là pour sa chronique de machin musical. On écoute aujourd'hui du métal néo-classique. Oui, ça, en fait, c'en était, mais pourtant, il n'y avait pas d'instruments classiques. Ah, c'est vrai. Comme dans celle d'avant, il y avait des violoncelles, mais dans, là, y... enfin, dans celle-là, il n'y en a pas. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est juste que les guitaristes, ils sont. Je sais pas, ils jouent très bien. Ouais, c'est ça. C'est... Et c'est ce qu'on appelle les shreds. Les shreds. Mm-hmm. Ah, ils shreds, ouais. Hein, mon dieu, c'est vrai. Voilà. Les shredded wheat. Les shredded wheat. Dégalasse, hein. C'est quoi ça? Des céréales. C'est des céréales. Tu sais, c'est des céréales genre fibreux. Mais on, ouais, on te les conseille pas, c'est pas non. Super bon. Y a pas ça, hein? Y a pas ça en Europe, des shredded wheat? Non. Non? Je crois pas. Bon, vous manquez vous de fibres. Vous faites bien! Ils sont pas réguliers en France, ils ont pas besoin de fibres. C'est peut-être ça. Ah, quand même que je déraille des fois. Hein. Oui. On parle quoi, là? On était rendu à parler du prochain. Hein, ben c'est ça, exactement. Ou à robot, est-ce qu'on a parlé de Concert to Moon? Non, hein? Oui, Non, en fait, à part qu'ils sont japonais, j'avais pas d'infos. T'as pas vraiment d'informations. Désolé. Donc, les prochains, c'est. Et là, la prononciation. Hein? Yngwie Malmsteen. Et justement, c'est un des plus grands guitaristes. OK. D'après ce que j'ai lu, de metal et de hard rock. Mm-hmm. Et. Voilà. Et t'as envie de l'entendre. Il a déjà joué avec des orchestres aussi. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que les deux joueurs, ils se ressemblent parce qu'ils sont très puissants, les deux. En fait, avant, on utilisait des orchestres. Pour mettre la puissance dans la musique et tout. Maintenant, on utilise des amplificateurs. Ouais. Et Yngwie Malmsteen, il a déjà utilisé des orchestres. Et voilà. Il y en a plusieurs qui ont fait ça, mais lui, c'est le plus connu en fait. Cool. Ben écoutons-le. Hein. Yngwie Malmsteen, hein, avec la pièce Brothers tout de suite. Assemblage. Okay. We'll be right back. avec une pièce qui se nomme Brothers. Oui. Et voilà, c'était dans la chronique de Léa Tessier. On écoutait du métal néoclassique aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment, nous autres, vraiment apprécié ça, Tania et moi. Ben oui, vraiment. Vraiment très bon. J'aime style. Beaucoup. Mais apparemment, c'est Malmsteen justement qui a popularisé ça. Ouais, ben Colin, il fait bien ça. Oui. Donc, un autre mash-up musical la semaine prochaine. Et là, est-ce que j'ai bien compris que tu reviens lundi aussi? Oui. Tu reviens lundi à 7h30, donc deux chroniques dans de 4 jours, c'est ça? Vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Oh, c'est pas super. Merci, Léa Tessier. Merci. À lundi, 7h30. Toujours à l'assemblage Rocky, on prend une pause musicale de notre côté. En fait, on va prendre une pause tout de suite, on n'est pas rendu là encore. Ben non. Oui. On va écouter une pièce de notre palmarès, donc quelque chose de francophone, un petit peu pour compenser pour ce qu'on vient d'entendre. Hein? Mm-hmm. Voici Loïc April avec sa nouvelle entrée du côté francophone, Mes ruines sur Télécombre, à l'assemblage Rocky. Hein? Pourquoi pas? Mes ruines sont tes décombres, ou comme dirait Mathieu, mon sel est ton concombre. C'est ça, je sais pas. Apparemment pas très articulé quand je l'ai dit tantôt. De Loïc April. Loïc April. Voilà, j'ai appris. C'est pas que t'as pas bien dit la chose, non? C'est que tu l'as dit tellement rapidement. Ah, c'est ça le problème. Ouais, exact. Et que voulez-vous? Mon cerveau va plus vite que le tien. Ah, peut-être. On vient dans quelques instants. On va jouer, hey, on va jouer le vrai le faux. Oui! Et là, j'ai tellement hâte. T'as vraiment hâte. C'est même pas des blagues. Cool! Sors j'ai le petit, vraiment sors, sors le buzzer, il est là. Attention. Au retour. Ah non, non, tu l'as raté. Ah voilà. Vous êtes assez fous. 89.1. Par la faute du nombre, j'ai perdu le compte. Je dois reconnaître C'était Simon Kingsbury avec Tu es la bête, qu'on apprécie pas mal, on l'a fait jouer beaucoup. D'après moi, ça va monter dans les palmarès, cette histoire-là. Yeah boy. Maintenant, c'est le moment de jouer tous ensemble, le vrai le faux! Wouhou! Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment. Annoncer aux informations, deux ou trois mots à la radio et sur internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car évidemment, on ne peut pas tout savoir. La place grouille de l'autre. Pas exactement ce beat. Non. Seconde. C'est vraiment pas ce beat, en fait. Pas du tout. Bref, c'est le vrai, le faux, le petit jeu hein, familial ici, mais sans Jean-François Barry, comme toujours. Parce que oui, c'est ça, exactement. Il perd ses quiz, lui, c'était effrayant. Oh, mon Dieu, pauvre petit. Hein. Pauvre gars, la guerre des clans, c'était Jean-François Barry. Tu sais, il n'y a aucune personnalité. Hey, t'es bien pas fou. Donc, il n'y a aucune autre personnalité qui pourrait animer ça autre que lui, il est tellement bon. Ça, un gars qui vient de la Mauricie, t'appelles ça comment, un Mauricien? Ouais. Bon, ben, c'est un Mauricien, aie un peu de respect. Non, il est super fin, il fait bien sa job, c'est ce que je trouvais fade un peu. Tu trouves? À la guerre des clans, pas comme personne en tant que tel. Ben, je le trouve. Ouais, mais c'est sûr que ça dépend du contrat ben, qu'il a. C'est que t'as Steve Harvey, mettons, tu sais, qui fait des faces, des mimiques, des gags, des références drôles, tu sais. Lui, il était comme juste là pour dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on a au sondage, ça? Ouais. T'as besoin de quelqu'un qui est entertainer pour animer la guerre des clans, je trouve. Mais c'est peut-être pas ça qu'ils lui ont demandé non plus. Peut-être ils ont peut-être pas, demandé non, de rester ça. Très, très, très strict. Ben, anyway, c'est hein, ça. On fera pas ça au débat matin. Non, puis de toute façon, si vous voulez sérieusement remplacer Jean-François Barry pour quelqu'un qui aurait, tu sais, de la drive d'entertainer, mettons, là. Jean-François Brault. Hey, non, là, ça suffit, là. Non? C'est pas lui qui va l'animer. Mais non, mais. Est-ce que tu trouves que c'est un entertainer, né? Non. OK. C'est un musicien. Oui, je sais, qui vole la job de l'animateur de TV. Mais autre que ça, mettons, sa personnalité. Hey, il l'a clairement dit à la radio l'autre jour. Je trouve ça très drôle parce que oui, c'est une réalité, on va pas se mentir. Mais non, c'est un humoriste, faut le dire. C'est pas l'animateur Jean-François Barry, c'est un humoriste. Oui, en effet, c'est vrai. Fait que c'est ouais, deux ouais. personnes. Mais il a fait de l'humour pendant quoi, 10 ans, la tête, là, avec les mecs comiques. Juste 10 ans. Mais non, mais. Ah ouais. On s'entend que Alex Perron aussi est devenu animateur. Ouais, c'est ça. Louis Morissette est devenu animateur, humoriste, acteur. Tu sais, on s'entend. Ouais, je suis d'accord. Par contre, Jean-François Brault, en tout cas, j'ai comme un peu plus de difficultés avec quelqu'un qui a une carrière de musicien et chanteur, puis qui décide d'aller dans l'animation simplement parce que il rapporte pas assez sur Spotify, comme il l'a mentionné à la radio la semaine dernière. C'est pour vrai. Ah, oh, pauvre chouette, hein. Pauvre chouette. Bref, la guerre des clans, Jean-François. Il prenait un chèque de paye, fait qu'il a décidé de faire de la radio puis d'animer à télé. La radio, c'est quasiment mieux que la guerre des clans, il me semble, comme pour lui. Oui, moi aussi, je trouve. En tout cas, bref. Mais en tout cas, si Jean-François est là dans pas long, on va voir Marie-Ève popper quelque part dans une émission spéciale. Ouais, la première émission, ça va être genre la famille Marie-Ève versus la famille Jean-François Brault. Ah, oh, j'ai vraiment de la difficulté non, avec le couple. Moi, j'ai de la misère. Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault. Et moi, j'ai de la difficulté avec V-Télé. Parce que là, ils ont enlevé Coup de foudre au moins, quand même. Coup de foudre ne reviendra pas. Mais il va y avoir le show de Rousseau qui commence la semaine prochaine, ou c'est, en tout cas bientôt. Le talk show de Stéphane oui, Rousseau. Oui, oui, oui. Tu sais, premier invité, Guillaume Lepage. Oui. Marc Labrèche. Puis Marie-Pierre Morin. Tout le temps, le même monde. De vedettes de TVA, de vedettes de... Ils ont du PR incroyable. Puis ils s'en vont tous à V. Ils ont des agents incroyables. Tu sais, si TVA veut pas de toi, la glissade mène directement à V. C'est comme le décor penché d'Éric Salvaille dans Ce soir, tout est permis. Mais je te dirais quasiment que V a peut-être un plus grand succès présentement que TVA. Non, quand même pas. Succès, non. Non, les codes d'écoute de TVA, là. Non. Ben, c'est... ça dépend sur quoi? Oui, ça dépend sur quoi, mais dans le palmarès des numéristes, c'est TVA, TVA, TVA. Ouais, mais à cette heure-là, t'écoutes quoi? Je sais pas. J'écoute pas ça, je sais pas. Ben, c'est ça. Ouais. T'écoutes pas grand-chose à TVA, là. C'est les nouvelles. Ouais. C'est vrai. Fait que V score, où est-ce que TVA score pas? Je parle pour la guerre des clans, je parlais de V en général. Ouais. Okay. Non, moi, je parle des plages horaires. En tout cas, anyway, hein, le vrai, le faux. Hey, on se croirait à Télévision, Télévision. C'est ça. Au Mathieu Planchot, les mercredis 15h, sauf quand je suis malade tout le temps. Ah, oh, j'aime pas Marie-Ève, j'en veux mais non, moi non plus. Fallait qu'on en parle. Hey, je suis désolée. Là. Je Bref. Sais qu'on a une plateforme publique, mais c'est dit. Passons ouais. à autre chose. C'est vraiment une plateforme publique, ça, c'est considéré. Si vous nous écoutez, Jean-François, Marie-Ève. Et les autres Mauriciens. Maudit que vous êtes quétaine. Et le sondage donne! C'est l'heure de jouer à le vrai le faux. On a gaspillé 5 minutes, mais on a du temps. Bref, c'est le jeu où on doit déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce que je te mentionne comme nouvelle. Tania, t'as ta petite sonnette réputée partout dans le monde. Et voilà, ça fonctionne, le buzzer fonctionne. Ça fonctionne. Le grand budget de cette station publique. Ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Ouais, ça fonctionne quand tu tapes comme faut dessus. Oui, c'est ça, exactement, parce que si je le fais de même. Ah, ça fonctionne pareil. Bon. T'as plusieurs façons maintenant. Fais comme à garder clan, main dans le dos. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un carnaval, une activité de carnaval, un jeu de carnaval, en fait, très, très raciste, violemment raciste même, qui était populaire aux États-Unis dans le temps? Ça s'appelait Hit the Nigger Baby. Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai! Oh boy! Hit the Nigger Baby, qui était une attraction populaire dans les foires, là, genre carnaval, comme dans expo, truc. Ouais. Dans le temps, donc l'histoire des États-Unis qui est bien sûr remplie de trucs violents et racistes, hein. En février 2018, plusieurs milliers d'Américains ont été confrontés, certains pour la première fois, avec des images du visuel de ce jeu qui s'appelait Hit the Nigger Baby. Donc ça s'est montré, ça vient en fait d'une brochure du YMCA en 1942 pour le camp Minicani. C'était un camp pour enfants du Wisconsin. Le jeu Hit the Nigger Baby s'était aussi nommé The Black Dodger ou Hit the Coon. C'était un jeu populaire où les joueurs lançaient des objets, souvent des œufs ou des balles de baseball, sur des personnes afro-américaines qui servaient comme cibles humaines. Un peu comme le jeu où on doit faire tomber quelqu'un dans une piscine, sauf qu'à la place de lancer sur la cible, tu lances à la personne, puis la personne est noire, puis elle tombe sur rien. Mm-hmm. Pareil comme le jeu du... Pareil. C'est selon le Jim Crow Museum à l'université Ferris State. C'était un jeu commun, et la cible était vraiment un humain, un nègre, comme on disait à l'époque. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Hit the Nigger Baby, ridicule, mais ça existait pour vrai. C'est ça. Au début des années 1900. Ensuite... Est-ce que c'est vrai qu'en Iowa, l'État américain de l'Iowa, tu peux avoir un permis de tir, hein, si t'es aveugle, main dans le dos, ding, ding, ding. Oh my God! C'est en 2011, un changement aux règles qui est devenu viral maintenant, en 2018, après les nombreuses fusillades. Tu peux faire des discriminations. Oh, on sent l'éditorial là-dedans. En Iowa... aux États-Unis, les aveugles qui auraient le droit d'avoir légalement une arme à feu. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai. Ah! C'est vrai. Misère de misère! Ouais, un article de 2013, en fait, qui nous parle de ça. Ça a lieu depuis 2011 en Iowa. Donc, en Iowa, la loi permet d'avoir un permis de tir aux personnes qui sont légalement ou, complètement aveugles, même si techniquement... Ça dit que le changement de réglementation en 2011 faisait que c'était plus facile pour une personne qui a une vue limitée ou un autre handicap physique d'acquérir un permis. Et puis ça donne aux autorités moins de lousse pour décider s'ils vont leur donner des permis. Donc c'est la règle SF-2379 de 2010, loi qui a été passée à l'Iowa General Assembly, qui enlevait en fait des règles qui avaient lieu avant, qui disaient que tout le monde devait se pratiquer sur un firing range de fusil. Donc, le prérequis avait découragé historiquement les gens qui avaient des handicaps physiques, dont ceux qui avaient un handicap visuel, d'appliquer pour ces permis-là. Un porte-parole pour l'Iowa Department of Public Safety a dit à Snopes.com que le changement de 2010 limitait aussi la discrétion que les policiers et les shérifs pouvaient avoir pour donner des permis, ajustant le langage de cette loi-là. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un permis de fusil quand on est aveugle en Iowa. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le slogan de Donald Trump, Make America Great Again, a été enregistré, marque de commerce et tout, en 2012? On se rappelle qu'il a annoncé sa candidature en 2016. Application de marque de commerce. Écoute, ça prend du temps quand même à devoir monter une campagne électorale et tout ça. Je vais dire que c'est vrai. Même s'il avait annoncé qu'il n'y avait pas de plan de devenir président à ce moment-là? Ouais. T'as raison, c'est vrai. Yeah! Oh oui! Slogan enregistré en novembre 2012, un cycle complet d'élections avant qu'il devienne président. Donald Trump a signé une application pour une marque de commerce pour son slogan de campagne « Make America Great Again ». On a étudié ça évidemment en 2018, maintenant qu'il est président et qu'il se défend contre les allégations d'influence russe sur les élections de 2016. Pardon, le document de marque de commerce montre que le slogan a été proposé en 2012. Le timing est particulier parce que Trump a déclaré sur Twitter que les accusations... Ah oui, c'est ça. Que les accusations des 13 Russes et 3 compagnies dans leur rôle aux élections de 2016 montraient, n'avaient rien à voir avec lui parce que Trump n'avait pas annoncé qu'il serait président avant 2014. Donc, il dit « C'est drôle comment les fake news media ne veulent pas dire que le groupe russe a été formé en 2014, bien avant que je me présente à la présidence. Peut-être qu'ils savaient que j'allais participer à la course sans même que je le sache moi-même. Alors que pourtant, il avait enregistré cette marque de commerce-là en 2012, donc ça vient contredire ce qu'il avait dit sur Twitter, que les Russes avaient formé leur groupe avant qu'ils se présentent aux élections. Il y avait quand même la marque de commerce, donc peut-être qu'ils ont pu étudier ça, les Russes, puis le savoir. Hein. » C'est vrai. Ça a été donc enregistré moins d'une semaine après la réélection de Barack Obama le 6 novembre 2012. C'est le brevet numéro de série 85783371. Hein? Ensuite, est-ce que c'est vrai, on va rester dans le même domaine de Trump, est-ce que c'est vrai que Melania Trump a engagé un exorciste pour nettoyer la Maison Blanche des démons d'Obama? Selon... Je veux dire que c'est faux. C'est faux, en effet. Une chance... T'as raison. Bon minute, là. Au début du mois de février, le site web Your News Wire et plusieurs autres sources questionnables ont allégué que la première dame Melania Trump avait demandé à ce que la Maison-Blanche soit exorcisée pour enlever les démons d'Obama avant qu'elle lui mette le pied. L'article était basé sur une entrevue avec un pasteur évangélique, Paul Begley, qui n'est apparemment pas le vrai pasteur de la Maison-Blanche du tout, selon Snopes, qui n'ont pas réussi à vérifier ça, qui a dit à la station de radio Internet, à l'animatrice Sheila Zelensky, qu'un exorcisme littéral avait été conduit à la Maison-Blanche entre quand les Obama sont partis et les Trump sont arrivés au jour de l'inauguration en 2017. Donc c'est lui qui a dit ça. Le site web conservateur CNS News pardon, aussi rapporté ces commentaires-là. Mais ce serait quand même faux. Il n'y a pas de preuve crédible que ça ait vraiment eu lieu. Mais j'espère bien, mon Dieu. Ouais. Et selon la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham, elle a dit que c'était complètement faux. Not true in any way. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai que la National Rifle Association, l'association des armes, des armes à feu aux États-Unis, est une organisation sans but lucratif exempte d'impôts? Répète-moi ça. Que la NRA, National Rifle Association, est une organisation sans but lucratif avec une exemption d'impôts. Après les fusillades, évidemment, on a partagé ce mime-là sur Facebook et ailleurs. Hey, j'espère que c'est pas vrai, mais je veux dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est effectivement vrai. Plusieurs ont été très surpris d'apprendre que la NRA, malgré le fait que c'est une place qui fait du lobbying politique et des gens qui sont là pour convaincre les gens que les fusils, c'est une bonne chose. Ils sont très près aussi de l'industrie des fusils. Mais c'est en fait une organisation sans but lucratif, exemple d'impôt. À la page Facebook Really American a posté ce meme-là avec un petit message. Et tout ce qu'il y a dans le message est exact. Ils ont un statut 501(c)(4). Voulant dire que c'est une Social Welfare Organization, donc une organisation pour le bien-être social, selon le IRS, là, qui est le fisc, finalement. Ils ont le droit de faire du lobbying politique, mais ça peut pas être son activité principale. Donc ça doit être relié à la mission principale du groupe. J'imagine que c'est toutes les campagnes, des fois ils vont dire, promouvoir la sécurité... des armes à feu, t'sais, des trucs comme ça. Il faut que ce soit ça leur mission principale et secondairement faire du lobbying politique. Mais quand même, on s'entend que la plupart des choses qu'on voit de leur part, c'est du lobbying politique. Mm-hmm. Mais bon. Bref, continuons avec... On reste dans le domaine des fusils. En fait, est-ce que c'est vrai que les manufacturiers et les compagnies de fusils ne peuvent pas être poursuivis pour les crimes qui sont commis avec leurs produits? C'est vrai. Ils ont l'immunité légale. C'est pas mal vrai. Pas mal vrai. Pour la plupart des facteurs, là, l'article dit « mostly true ». Donc, en 2005, le Congrès a passé le « Protection of Lawful Commerce in Arms Act », le PLECA. Et George W. Bush a signé ce projet de loi-là pour que ça devienne une loi. Et la loi codifie légalement que l'industrie de la manufacture de fusils ne peut pas être tenue coupable aux civils pour des crimes résultant de sa mauvaise utilisation, donc des armes à feu ou des munitions. Et après les nombreuses fusillades qu'il y a eu, le débat revient souvent à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça. Dans les années, à la fin des années 90 et début 2000, de plus en plus de villes de gouvernements locaux, incluant la ville de New York en 2000, ont pris une nouvelle approche légale. Ils ont commencé à poursuivre l'industrie des armes à feu pour avoir créé une nuisance publique dans leur ville. Le placa a été passé en réponse à un nombre grandissant de poursuites. Donc, c'était une façon de protéger l'industrie, évidemment. Souvent, probablement que George W. Bush recevait de l'argent de la NRA aussi, donc c'est souvent des trucs comme ça. Et en 2005, George W. Bush a expliqué son soutien pour ce projet de loi-là. Il a dit... Nos lois devraient punir les criminels qui utilisent des fusils pour commettre des crimes et non pas les compagnies qui suivent les lois et qui produisent des fusils. Même si en tant que tel, il y a des fusils qui sont créés là-dedans, qui sont pas pour la chasse, là, sont clairement faits pour tuer des humains. C'est des armes de guerre! Mais bon, hein? C'est vrai, en général. Il y a des trucs qui sont peut-être moins vrais dans le reste de l'article, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. Pendant qu'on passe à une autre question... Est-ce que c'est vrai que les métros et... attends un petit peu, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les transports en commun du Massachusetts, les patrons des transports en commun sont présentement accusés ou sont en fait controversés après avoir payé 100 000 $ pour une salle de bain. Hein? Attends, là. Donc, c'est les transports officiels du Massachusetts qui ont autorisé un contrat qui a pas été ouvert là, à ce que plusieurs puissent postuler sur le poste là, pour une petite salle de bain à 100 000 $ à l'intérieur d'une bâtisse officielle de l'État. C'est une salle de bain de 115 pieds avec une petite cuisinette qui est installée, les deux ont été installés l'an passé à l'intérieur de la salle des hauts placés du département des transports du Massachusetts. Ça, c'est vrai. Je veux dire que c'est faux. Mais non, c'est vrai. Ah! C'est vrai. Le projet n'a pas été mis aux enchères, ce qui est normalement fait pour les projets d'État, pour évidemment que les contracteurs puissent compétitionner et baisser les prix, des fois la qualité aussi, mais bon. Un ancien Inspector General de l'État, qui est le nouveau directeur de la recherche au Pioneer Institute, a dit que c'était outrageux, ou peu importe. C'était environ à 40 pas, d'une salle de bain publique spacieuse sur le même étage, qui a probablement coûté beaucoup moins cher. Un porte-parole pour le Transportation Department dit que les membres haut placés du département des transports sont souvent suivis jusqu'à cette salle de bain-là par les journalistes pendant les réunions publiques, juste pour montrer au grand public comment c'est ridicule, j'imagine, d'avoir une salle de bain à 100 000 $. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un étudiant qui marchait comme ça dans son sommeil, donc il faisait du somnambulisme, a fait que l'école a annulé les cours? Ça s'est passé dans une middle school, donc une école secondaire en Pennsylvanie, qui a annulé les cours après qu'un étudiant ait été trouvé à l'intérieur de la bâtisse en train de faire du somnambulisme. Ils ont annulé les cours pour ça. Ouais. Hey, c'est faux. Non, mais imagine tout ce que ça pourrait être. Peut-être que, je sais pas, le gars, c'est peut-être, il fait semblant d'être somnambule, puis c'est un tireur fou. Ouais, mais là, de là à lever les cours, je suis pas certaine. Là. C'est où? C'est en Pennsylvanie. En même temps, il y avait quoi dans les mains en étant somnambule? Ah! Un fusil, ça se cache en conceal carry, comme le président aimerait que les professeurs et enseignants aient. Je veux dire que c'est faux. Ben, Colin, c'est vrai. Hein? Ouais. Ben, voyons donc! Je suis en train de perdre des points pour des affaires qui sont complètement stupides. Et voilà. La police d'État dit qu'un étudiant de 7e année a appelé le 911 vers les 2h30 du matin. C'était un mercredi. Pour dire qu'il était à l'intérieur de l'école Wendover Middle School à Hemphill Township. L'étudiant a dit aux autorités qu'il était somnambule et qu'il s'était réveillé à l'intérieur de l'école. La police dit que l'étudiant est entré dans l'école via une fenêtre et s'est promené pendant environ 15 minutes. La police dit que l'étudiant vit environ à 4 miles de l'école et l'Hemphill Area School District, donc la commission scolaire, a annulé les cours mercredi pour cause de sécurité. Donc évidemment, comme la personne était là pendant 15 minutes, peut-être qu'il a pu faire quelque chose qui n'était pas sur les caméras vidéo. Je sais pas, la police a étudié tout le bâtiment. Ils ont ratissé au peigne fin toute l'école et l'incident ne serait pas connecté à une autre arrestation qui a eu lieu plus tôt dans la semaine, quelqu'un qui aurait menacé de tirer sur une étudiante. Et les cours ont repris le jeudi. Hein, en Pennsylvanie, à Greensburg. Ensuite, on reste à l'école. Est-ce que c'est vrai qu'un étudiant a été suspendu pour avoir fait semblant d'être transgenre pour utiliser la toilette des filles? Tu sais, ce que les républicains pensent qui va arriver, là. Mais là, nos petites filles! T'sais? Ok, répète ce que tu viens de dire. Un étudiant qui aurait été suspendu pour avoir fait semblant d'être transgenre pour utiliser la salle de bain des filles. Il a été suspendu pour ça? Qui a été suspendu pour ça. Je veux savoir si c'est vrai qu'il a été suspendu pour ça. Et peut-être même, je veux savoir si l'histoire est vraie. Écoute, je vais dire que c'est vrai. Ah, Tania, tu me déçois. Hein? C'est faux. Mais là, première idée que j'ai, si je suis un petit gars, je dis que je suis transgenre pour aller me mettre dans la toilette des filles. T'es républicaine? C'est quoi? Parce qu'il y a personne qui fait ça. Il y a personne. Ben voyons qu'il y a personne. Pour faire ça. Ben voyons donc. T'es au primaire. T'es au primaire, on te dit si t'es transgenre, t'as le droit d'utiliser la toilette que tu veux. Non, mais tu peux pas juste décider une journée, OK, aujourd'hui, je suis transgenre. Mais c'est un processus super long, là. Tu le dis, tu sais, je veux dire, tu l'assumes pas. Tu fais juste dire, ben oui, mais je suis transgenre, fait que je m'en vais dans cette toilette-là. Ben, quelqu'un va se plaindre, puis il va y avoir des répercussions à ça, là. Ben oui, mais c'est sûr, mais t'es au primaire, tu t'en fous-tu? Peut-être, j'aimerais qu'on me dise à quel endroit ça a eu lieu, cette histoire-là. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Probablement qu'au primaire, les gens savent même pas la connotation du mot transgenre. Ben justement, ils vont pas aller dans la salle de bain. Ben tu sais pas, parce que s'ils mettent la moitié gars, moitié fille sur sa toilette, là. C'est quoi le signe de la toilette d'un transgenre? Une toilette? Une toilette? J'imagine l'icône, c'est juste une toilette. Non, mais tu sais, une toilette, c'est une toilette. Ça, c'est un long débat. En tant que tel, les toilettes pourraient très bien être une exactement. Sexe, c'est pas parce que je suis républicaine ou quoi que ce soit. Là. C'est parce que dans ma tête, si tu dis à un enfant qui a entre 7 ans et 12 ans, si tu ressens le besoin d'aller dans la toilette de ton choix, va dans la toilette de ton choix, puis ton ticket qui rentre dans la toilette des filles, ben mon Dieu, tu le suis. Mais il me semble que la solution à ça, ce serait pas d'avoir genre que des cubicules polyurinoirs. Comme ouais, ça, mais là, serais... en même temps, si tu plates, je sais pas, j'ai jamais pissé de bout, là. Non, mais tu peux pisser de bout même sur une toilette, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que pour vrai, il pourrait avoir des toilettes unisex partout. Ben oui, il y a ça dans plusieurs bars, d'ailleurs. Ben, tu vois. Mais il y a des urinoirs. Ouais, ben bon. Dans les toilettes tu peux en mettre mix, des urinoirs. Il y a des toilettes à urinoirs. Ben tu sais, et ça cause pas de problème, hein? Bref. Ben c'est un peu malaisant, là, parfois, là, tu sais, genre tu sors de ta cabine, puis là, oh! Non, mais c'est malaisant Attends. C'est malaisant à cause de la société qui rend ça malaisant, Tania, je trouve. Ben non, mais c'est parce que ça me tente pas de te voir pisser. Non, t'as pas à me voir, regarde-moi pas. Ben non, mais mettons, là, pour ne pas nommer un certain bar au centre-ville de Trois-Rivières où les toilettes sont mixtes, OK? Ben oui. Tu sors de ta cabine. Ouais. Et l'urinoir est de côté. OK, ouais, mais peut-être que c'est mal placé de bord. C'est peut-être plus ça le problème. Ouais, mais là, si tu veux faire des toilettes mixtes, pense-y. Parce qu'à la base, ça devait être une toilette pour hommes, puis ils ont juste modifié probablement, ça. Probablement, probablement. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de place pour une toilette de fille aussi. Ouais. Ben, il y a aussi, je pense qu'il y a des lois qui nuisent un petit peu à ça aussi, parce que je pense qu'il faut avoir un minimum de toilettes pour femmes. Dans les bars, c'est possible. Il me semble qu'il y a une loi là-dessus, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est pour ça qu'ici, à l'UQTR, on a modifié les toilettes pour avoir plus de cubicules du côté des filles. Ça se peut. Mais les toilettes sont tout le temps plus utilisées du côté des filles que du côté des gars. Petite vessie. Si jamais vous voulez un truc, d'ailleurs, dans les bars, grosse soirée, allez pisser dans la toilette des gars. Bon, gars, fait que les filles vont dans la toilette des gars, puis aucun problème. Hein? J'ai pas dit qu'il y avait un problème avec le fait que tu puisses aller dans n'importe quelle toilette. J'ai dit que un kid qui ne sait pas c'est quoi un transgenre, s'il veut suivre son kick des toilettes, il va le faire. Ben de bord, peut-être que la solution à ça, ce serait juste d'avoir genre, je sais pas, un... je dis n'importe quoi, on débat, puis je lance des idées, là, mais tu sais, ça pourrait être une toilette transgenre ou une toilette séparée avec un code de sécurité. Oui. Et le problème est réglé. Mais là, ça devient un peu intense. Il y a un code de sécurité pour aller faire pipi. À un moment donné, on va mettre ça, c'est parce qu'il faut. Dans les bureaux, il y a des numéros de sécurité pour pas que les gens du public de la rue viennent aux toilettes dans le bâtisse, m'en faire. Hein? Ouais, OK, ouais, peut-être, ouais. Ah, OK, je pensais pas que ça allait arriver sur un débat comme ça, mais la nouvelle est fausse. Donc, je rappelle, pour ceux qui suivent pas, que je demandais à Tania si c'était vrai qu'un étudiant dans une école secondaire a fait semblant d'être transgenre pour pouvoir prendre sa douche dans le locker room des filles pendant une classe de gym. Donc, c'est un peu le même principe que les toilettes. Donc, c'est le site de divertissement World News Daily Report qui a publié ce faux article. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Et l'article utilisait une vieille photo comme illustration montrant une image de Warren Evans, étudiant bisexuel, qui a été suspendu de l'école secondaire, de l'école secondaire du Maryland en 2012 parce qu'il avait porté une jupe. Donc c'était une photo qui n'a rien à voir. Ensuite, est-ce que c'est vrai que les produits de Cadbury sont contaminés du VIH? Eh mon Dieu Seigneur! Hé, attends, non, Et là, je ne l'ai pas mis à côté de l'article transgenre parce que ça a un lien, là, c'est juste ça a donné. C'est pas genre juste... J'avais même pas catché, mais maintenant que tu l'as dit, tout le monde va y passer, Mathieu. C'est pour ça que je me suis justifié, tu vois, genre. Ouais, tu te justifies vraiment tout le temps. Je sais bien. Il n'y a pas une affaire que c'est genre une molécule qui se trouve dans le VIH, qui se trouve aussi dans le bonbon, mais c'est pas l'entièreté de la chose, en tout cas. Si je peux te donner plus de détails, c'est un employé d'une usine de Cadbury qui aurait été arrêté pour avoir contaminé les produits de la compagnie avec son propre sang infecté du VIH. Eh. Et ça n'a pas l'air facile. C'est faux. C'est effectivement faux, yeah! Un point! C'est ton premier point, deuxième? Ben non, c'est mon sixième point. Sixième point, je sais pas. Mais sur neuf questions. Bref, c'est une attrape qui est très populaire depuis plusieurs années. On cible plusieurs produits. Des fois, c'est des ananas. Des fois, c'est des choses en canne. Des fois, c'est des boissons gazeuses. Et là, ben, cette version-ci, en 2018, c'est qu'un employé de Cadbury, une compagnie britannique, qui aurait été arrêté pour avoir ajouté de son sang infecté de VIH aux produits de la compagnie. C'est faux! Une rumeur qui est une variante d'une vieille attrape. Donc, rien à voir avec la réalité. Ensuite, allons-y avec... est-ce que j'y vais avec... Une... ouais, je vais continuer. Est-ce que c'est vrai que les enfants de 3e année ont mis aux enchères un AR-15, tu sais, l'arme qui a été utilisée à Parkland? AR-15, l'arme semi-automatique. C'est ça, semi-automatique? Peu importe. Ils ont mis aux enchères un fusil AR-15 juste après la fusillade de Parkland. Ce serait un coach de baseball du Missouri qui voulait rendre l'utilisation des fusils, ou en tout cas tout ce qu'il y a eu comme fusillade, quelque chose de positif. Il voulait faire quelque chose de positif avec ça en faisant un concours pour pouvoir gagner un AR-15. Hey, quelque chose positive, ma foi, du bon lieu. Ça se passe au Missouri, présumément. À Neosho. Selon les états, parfois, les nouvelles sont difficiles à juger. Je vais dire que c'est vrai et que c'est faux, OK? Et je vais expliquer mon point. OK. Le coach a probablement dû mettre l'arme en question aux enchères pour s'en débarrasser. Mais les gens ont dit qu'ils mettaient une arme aux enchères pour faire de l'argent. Les fake news ont dit ça, c'est ça? Ouais. Donc, t'as dit est vrai et faux. Ouais. J'ai pas juste te donner 0.5 points. Yes! Parce que c'est complètement vrai. Ah, vrai et faux. Non, mais tu sais, à un moment donné. Misère. Hein, tu vas dire, c'est complètement vrai. Ben oui, c'est complètement vrai. T'es-tu sérieux? L'équipe de baseball de Neosho, Missouri, a attiré l'attention médiatique au niveau national après qu'on ait dit que le coach de l'équipe ait planifié mettre aux enchères la même sorte d'arme qui a été utilisée dans la fusillade de Parkland en Floride. On a confirmé, donc, c'est Levi Patterson qui a confirmé au Kansas City Star qu'il prévoyait mettre aux enchères un AR-15 juste avant l'attaque du 14 février chez Marjorie Stoneman Douglas High School. Le suspect de la fusillade qui est accusé donc du meurtre de 17 personnes, 15 blessés. Un AR-15 qui est utilisé pour commettre 7 des 10 pires atrocités de ces attaques-là, style fusillade en 2007. Après la fusillade et ce qu'il a appelé de la haine venant des critiques, Patterson dit qu'il a décidé de quand même continuer. Donc on comprend qu'il avait prévu de le faire avant l'événement, mais qu'il a continué de le faire après. Ça a même pas encore eu lieu, ça va être le 17 mars prochain, jour de ma fête. Si tu veux m'acheter un AR-15. Ben oui, c'est ça, hein, c'est gentil, merci. Pour transformer cet événement-là en truc positif. Les joueurs de Patterson sont en 3e année, entre 7 et 9 ans. Il a dit sur les réseaux sociaux, nous apprécions vos soucis, mais s'il vous plaît, comprenez que nous ne forcerons pas nos garçons à vendre des billets pour le concours s'ils sont inconfortables dans le fait de le faire. L'histoire a été ramassée par les médias, bien sûr. Le fabricant de l'arme, Black Rain Ordnance, a confirmé qu'il participait au concours via courriel. La compagnie a noté ses dons fréquents pour soutenir les communautés locales et régionales qui sont intéressées par un partenariat. Et le jour de la fusillade, parce qu'on se rappelle que le concours était déjà prévu avant la fusillade, le jour de la fusillade, le manufacturier d'armes a posté sur sa page Facebook « Peut-être que c'est le moment d'armer les équipes, le staff donc, de l'école, et qui doivent suivre des cours d'entraînement et de soins de leurs armes. » Et ça disait « Enfin, discuss, comme dans genre, discutez-en dans les commentaires. » Ils sont du même avis que Trump, là, qu'on a besoin de plus d'armes pour venir régler le problème en armant les gens dans l'école. Donc, c'est ce genre de compagnie-là. Hein? C'est ça. Donc, c'est vrai. Complètement vrai. Justement, parlant de fusillades, combien est-ce qu'il y a eu de fusillades jusqu'à maintenant, en 2018? Je me rappelle que tu en as déjà parlé. Oh my God! OK, jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, on parle? Oui. 212? OK. Ben là, ça a peut-être monté depuis la dernière fois que j'ai regardé ça, c'est la semaine dernière. Ouais. Fait que s'il y en a eu d'autres, on était traduit à 215, mettons. Donc, la question que je pourrais te demander de la formuler différemment, ça pourrait être que dans les médias, on dit 200 quelque chose environ. Ouais, aux alentours de 200. Et tu dis donc, dans le fond, que tout ça est effectivement vrai. Mais écoute, 200, je trouve ça vraiment énorme pour le début de l'année, considérant qu'on est juste le 1er mars 2018. Ouais. Mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils calculent? C'est ça la twist. Comme. Hey, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je vais dire qu'il y en a beaucoup moins que ça qui sont vrais. Qui sont des fusillades, comme on l'entend. Exactement. Des alertes de fusillades, il y en a eu 200. Okay. Et si je te dis qu'il y a eu 18 fusillades dans des écoles depuis le 1er janvier, avec environ 3 par semaine, est-ce que ça, tu dirais que ce serait quelque chose de vrai aussi? Je vais dire, encore, c'est différent, une... Je vais dire encore une fois que ce sont des alertes à la fusillade, mais que ce ne sont pas des choses qui ont été, une fois que les autorités sont arrivées, ça n'a pas été classifié comme une fusillade. C'est une fausse alarme. J'essaie de comprendre comment te donner les points. Je vais te donner encore le point 5 pour compléter celui de tantôt. Si j'en ai un, finalement. T'en as un au complet, finalement, t'as arrondi. Parce que il y a des débats là-dessus. C'est pas tout le monde qui est d'accord sur le chiffre. C'est pas tout le monde qui est convaincu de la validité des 18 depuis le début de l'année ou des 200 tirs de fusil qui ont eu lieu. Parce que ce qui est rapatrié comme étant un appel de fusillade, est-ce que c'est ça qu'ils prennent en considération ou c'est le moment où les policiers arrivent sur les lieux et, justement, arrêtent quelqu'un qui est armé, qui tire sur du monde? On s'entend que si tu te promènes quelque part avec une arme, t'es pas en train de faire une fusillade. T'es armé. Mais si quelqu'un appelle pour dire qu'il va y avoir fusillade, est-ce que ça compte dans leur... En fait, si on parle des 18, là, pour commencer, on dit qu'il n'y a pas eu 18 fusillades dans les écoles en 2018. En fait, c'est que les médias et d'autres vont élargir les critères de qu'est-ce que c'est une fusillade. Donc, c'est pas nécessairement... c'est pas des alertes. C'est plutôt qu'une fusillade n'a pas tout le temps la même définition selon tout le monde. C'est ça. Donc, ce qu'on apprend, c'est que tous les incidents qu'on mentionne, les 18, c'était qu'on avait littéralement, tiré avec une arme sur un campus scolaire. Mais ça ressemblait pas à ce qu'on nommerait normalement une fusillade. Il y a eu deux de ces événements-là, les 18 depuis le début de l'année, qui étaient des suicides, par exemple. Et puis, on dit que l'autre, il y en avait trois, en fait. Deux suicides et trois où c'était une arme qui avait été tirée par mégarde, que c'était une gaffe, si on veut. Ouais. Ensuite, toujours dans les 18, là, on se rappelle, deux suicides, trois accidentels, huit où il n'y a pas eu de blessés du tout, sept qui étaient des fusillades intentionnelles qui ont eu lieu pendant les heures d'école, les heures scolaires. Donc, en tant que tel, ce serait pas mal sept fusillades telles qu'on l'entend. Et non pas 18, parce que pourquoi est-ce que tu compterais les suicides comme fusillade? Pourquoi est-ce que tu compterais pas de blessures comme fusillade en tant que tel? Mais en tant que tel, l'événement, une fusillade, est-ce que c'est genre tiré même dans le vide? Eh bien... Il me semble. Attends. Mais pas selon certains, tu comprends? La définition d'une fusillade. Fusillade. Une fusillade est une utilisation répétée ou simultanée d'armes à feu individuelles. Le verbe « fusiller » a un sens différent. Il évoque plutôt une exécution par arme à feu par l'entremise d'un peloton d'exécution. Exécution, OK. Exactement. Donc, une fusillade, c'est une utilisation répétée ou simultanée. Tu peux tirer dans le vide, ça va s'avérer être une fusillade. C'est pour ça que les 18, en tant que tel, ça peut être un petit peu vrai, tu sais. Exactement. Ça dépend encore une fois ce qu'ils ont déclaré. Comme c'est étant ça. Une fusillade. Si tu t'es juste promené avec un arme, t'as rien fusillé. Non. T'as même pas utilisé l'arme. Tout à fait. Et si tu t'es suicidé, là, clairement, c'est pas une fusillade. Non? C'est un suicide. C'est un suicide. C'est ça. Fait que ça compte pas les 18. C'est un suicide par tir. Oui. Mais c'est pas une fusillade parce que ça n'a pas été répété. Bref, il y a beaucoup plus de détails là-dedans. Il y a une division de chacun des événements. Si on peut y aller rapidement, juste pour celles qui sont, moi, je crois, techniquement vraiment des fusillades, depuis le début de l'année, pendant les heures scolaires, dans une école, ce qui a fait des victimes. Donc, c'est la définition qu'on s'entend pour donner à fusillade. Là-dedans, dans les 7, il y en a seulement 5 qui ont vraiment résulté en des blessures ou des morts. Donc, on a le 22 janvier dans Italy, au Texas. Aussi le 22 janvier à Gentilly, en Louisiane. Mm-hmm. Le 23 janvier à Benton, en Kentucky. Le 25 janvier à Mobile, en Alabama. Le 26 janvier à Dearborn, dans le Michigan. Le 31 janvier à Philadelphie, dans une école secondaire. Et le 14 février, on se rappelle, à Parkland. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, il y en a deux qui ont eu lieu pas pendant les heures d'école. Il y a eu deux fois où des tirs ont été faits pendant les cours, mais sans raison précise. Il y en a trois où c'était des tirs non intentionnels. Un suicide pendant les heures scolaires, une balle qui s'est rendue à quelque part dans la bâtisse, mais que c'était pas une fusillade, une fois. Une balle qui a frappé l'école, mais pas pendant les heures d'école, une fois. Voilà. Fait que ça répond pas mal à toute la question des fusillades dans les écoles. Donc, ton pointage, Tania? Sur 16, j'ai 7 bonnes réponses. C'est pas si peu. 7 sur 16? Ouais. C'est moins que la moitié, là. Je sais pas. Ouais, 7 ouais, fois c'est 2, moins, ouais. Fait que tu passes pas, dans ce Je passe pas, je suis désolée. Pas aujourd'hui. Ça, c'est à cause des choses stupides que les gens ont fait. Ben, c'est ça, hein? C'est à vous de pas faire de choses stupides, hein? Exactement. Bon. Comment faire de transition sans dire parlant de choses stupides, t'sais? Faut que je trouve autre chose. Donc, pas... non. David Ferron, qui est arrivé en studio. Salut, David. Salut! Ça va? Oui, j'essaie de pas faire un show stupide ce matin. S'il te plaît. De quoi tu nous parles tantôt dans ta chronique? Ben, il va y avoir du zone campus. Hey! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de zone campus. Beaucoup de zone campus, fait qu'on y va à la prochaine heure. Ben, oui, mais je voulais parler un petit peu aussi d'autres choses. Ben, mais zone campus, il y a beaucoup de choses à dire. OK, fait qu'on va c'est commencer important. Par le zone campus. Oui, c'est important. Puis un petit peu d'Eurovision, fait. Peut-être, mais il se passe des choses aussi. OK, ben, Colin, on revient avec ça. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 10 ans. J'adore ta voix. Merci beaucoup, t'es vrai. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Hey, je suis en train d'envoyer un petit animoji à David, là, t'as peu. Faut que je mette ma face devant. Ah! Salut, David! Puis là, je te l'envoie, petit caca. Oui, soir, j'ai hâte de voir ça. Caca? On va voir si mon désuet iPhone 7 ouais, va le recevoir. Le petit caca, c'est le seul emoji qui reste le même que t'aies un Android ou non. C'est le meilleur. Mais oui, c'est clairement le plus beau. T'as reçu le caca? Oui. Ah, moi, là, je tiens à dire aux gens qui reçoivent des petits cacas de ma part, si je vous envoie un petit caca, c'est que je vous apprécie vraiment. Autre que la personne que j'ai nommée dans mon téléphone, caca. Okay. Genre, son nom dans mon téléphone, c'est juste hey, le petit emoji. T'as changé le numéro de téléphone, je peux pas te l'envoyer. Ouais. J'aurais essayé de t'envoyer un emoji aussi. De caca? Ouais. Ah, je dirais pas mon numéro non, à l'autre. Ça sera fait pendant la pause. Ok, cool. Ça, c'est cool. Sérieusement. Mais c'est le fun, Samsung va faire la même affaire. Là. Fait que c'est rendu full à mode. Sauf que ça va être des avatars, tu vois, la personne au complet. Ah ouais? Sur Samsung, ouais. Une photo d'un représentant de la NRA, tu sais, ça va. Ah, c'est pas fin, Wayne, ça. Wayne LaPierre. David, tu te trouves pas bas un peu comme ça? C'est parce que son fil d'écouteur est pas assez mais long. Mais non, c'est parce qu'il est assis sur le bout de la chaise, puis ça... Si vous voulez voir... Attends, parenthèse. Si vous voulez voir, parce que les gens se disent, mais arrêtez de parler de trucs visuels. Ouais, désolé. Non. Faudrait que je vienne avec une caméra la prochaine fois. Justement. Mathieu en a eu. Nous sommes maintenant garnis d'une chaîne YouTube. Ouais, j'ai vu ça, puis je suis dedans, ça me fait peur. C'est pas encore, on l'a pas tellement publié encore parce que je fais des tests, là. Mais je peux le dire, non. Cherchez Assemblage requis sur YouTube, cherchez une grosse pointe d'adresse, ça vous tente. Jusqu'à maintenant, on a mis 4 chroniques les plus récentes, et la prochaine va être la 5e. Et à partir de là, je pense qu'une fois qu'on est rodé à 5, on peut commencer à en parler. Assemblage requis, chaîne YouTube, et on est maintenant aussi, à partir des prochaines heures, en fait, c'est la fin de la journée, on va être sur iTunes aussi. Bah! Pour la balado-diffusion et des émissions pour l'instant, parce que les droits d'auteur des chansons vont peut-être faire qu'on va devoir enlever les chansons, mais pour l'instant, sont encore là. Et les collègues une grosse pointe d'adresse sont aussi sur iTunes à partir de dans les prochaines heures. Oh boy! Ça prend 24 heures que ça se mais c'est quand ça va devenir un spin-off officiel, une grosse pointe d'adresse? Check-moi bien aller. On a des gros plans pour ça. Wait a second! Pour l'instant, on commence par la chaîne YouTube avec des beaux petits montages. Allez voir ça, les 4 chroniques. On a eu bien du plaisir parlant de 28 jours sans alcool. Donc, on a 3 chronique de 23 jours. Et d'ailleurs, félicitations, Tania. Pourquoi? Pour les 28 jours. Mais je pense merci, que toi, c'est à l'année longue, finalement. Choisis mes événements, en fait. Ouais. OK, ben, c'est bien. Comme par exemple, mon anniversaire, l'anniversaire de mes parents, Noël. Au mariage. Ben, des trucs normaux. Si un jour, je me marie. Ça se pourrait. Bref, est ouvert à toute éventualité. Hein? Les 3 chroniques de boissons sans alcool et notre Snickers Crisper. Ça, c'est une édition spéciale, une grosse pointe d'adresse à la première personne à aller voir sur YouTube. Estomac sensible, s'abstenir. C'est dit. YouTube, assemblage requis et une grosse pointe d'adresse. Maintenant, la raison pour laquelle on a David, c'est pour 2 chroniques. Tu vas nous faire tantôt une chronique sur l'Eurovision. Mais oui, avant ça. Je pouvais pas m'empêcher de vous écœurer avec ça. T'es un obsédé. Mais c'est parce qu'il se passe plein de choses que l'actualité. En fait, l'Eurovision ne peut pas échapper à l'actualité. Voilà. Mais commençons avant ça avec la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, qui est donc chef de pupitre du journal Zone Campus et qui est là pour nous parler de ce qui s'est passé depuis la sortie du journal papier. On ne s'est pas vu depuis 2 semaines. Non, environ. La maladie nous a fouettés. Ouais, toi et moi, de différentes façons, mais quand même. Il y a juste Tania qui est forte. Hey, vraiment. Oui. Elle est résistante. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a de la puissance, c'est pas mal. Êtes-vous une humaine? Non, pas que je sache. OK. Qu'est-ce qui s'est passé sur le campus et ailleurs, David? En fait, je vais commencer de manière assez spéciale. Okay. En commençant par « en fait », ça, c'est spécial. Ah oui, parce que ben oui, hein. Mais je vais commencer par les arts et spectacles. Oh, cool. Pourquoi? Parce que hier, c'était UQTR en spectacle. Ah, c'est vrai, ça a passé vite, ça. Oui. J'ai pas vu passer, t'sais. Non, mais ça a bien passé, j'ai assisté au spectacle et vraiment, il y a du beau talent à l'UQTR. Ouais. Et le gagnant pour une deuxième année de suite, c'est Mathieu Fortin, étudiant Oui. Tu t'en dois de gagner 2 années de suite? Oh, oui. Ah oui. Ben oui, ça donnait comme ça. On pensait pas qu'elle allait gagner encore, mais il a gagné. Mais c'est déjà, tu gagnes l'année passée, ça veut dire qu'il a gagné, puis c'est quand même représenté cette année. Oui. Ben, ça veut dire qu'il est pas pire. Ouais. Vu de même, puis c'est ça, c'est un étudiant en biochimie. Les autres gagnants Il fait quoi comme numéro? C'est un pianiste. Okay. J'ai oublié de le dire, mais c'est un excellent pianiste. C'est des compositions originales. Ah, cool! Oui! Ouais. En fait, c'est que... c'est un très bon pianiste, mais ce qu'on ressent, ouais, ses émotions, c'est ça. C'est ça, un artiste qui est talentueux, un artiste extraordinaire, des fois, c'est juste la connexion avec le public, ouais, qui fait la, ouais, différence. Ouais, ouais. Donc, deuxième prix, c'est Anne-Sophie Côté, qui a gagné également le prix coup de cœur du public. Et en troisième position, c'est... Elle fait quoi, elle, David? Elle est dans la délégation des jeux de la communication. Elle travaille à la Chasse-Galerie. Une collègue? Exactement. Oui, une collègue de... Ben, pas tout à fait, parce que je suis en... T'es en... Doctorat. Doctorat, OK. Ouais, je pense que je voulais pas avoir l'air de... Oh, mais tu sais, hein, tu le fais en rond, tu peux le faire en long, mais... Ouais. Je suis au doctorat, appelez-moi docteur. Docteur Ferron, ça sonne bien. Bon. Non? Ben, il y a déjà un docteur Ferron qui est auteur, mais ça, on s'égare. Pour revenir à UQTR en spectacle. Hey, c'est la première fois que c'est toi qui ramène le ben chemin. Ben ouais, voyons, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est parce que je suis malade, c'est pour ça? Oui, exactement. C'est que je peux pas le faire, te remettre sur le droit chemin. Ouais, exactement. Je prends le relais. C'est ça. Donc, Anne-Sophie Côté, c'est une auteure-compositrice-interprète. En fait, elle a présenté deux pièces. Une reprise d'Andréane Mallette et une composition originale. Cool. Et pianiste également. Un talent caché, toi. Oui, chanteuse, auteure-compositrice et musicienne. Félicitations, quand même. Ben oui, deuxième prix, coup de cœur du public. Et Frédéric Martineau, en troisième position, qui est un étudiant en récréologie à la maîtrise. Et lui, en fait, c'est du bola. Des bola, comme elle expliquait de manière concrète. Ouais. C'est des boules rattachées avec un fil et on fait de la jonglerie avec ça. Ah oui. C'est vraiment extraordinaire. Visuellement impressionnant. Oui, puis surtout que Frédéric fait des fois des bola avec du feu. Il fait de l'ébola avec du feu. Oui, exactement. Il brûle l'ébola. Mais ébola, c'est le nom du... On peut appeler ça aussi des poils. Poils? Oui. OK. Poils ou bola. C'est un poil. C'est qui ça? Annie Majormat. Pourquoi je le sais? Hey, pourquoi tu sais des affaires de même? Ah, j'ai honte, oui, de moi, des fois. Aïe, aïe. Donc, c'était écoutant en spectacle. Et félicitations également au comité organisateur. Ça allait super bien aux animatrices aussi. OK. Qui animait ça, là? En fait, il y avait quatre personnes. OK. Quatre, je vais retrouver ça tout de suite. Parce que c'est sur le blog. Donc, dans mes notes, je l'avais noté. J'espère juste pas... l'avoir supprimé. Ben non, il y a Joël Desbiens, Marie-Emmanuelle Rancourt, Moira, Aude Coton et Caroline Farrier. Cool. Quatre filles en récréologie qui en ont dedans. Ouais. Donc, félicitations à toute l'équipe. Ben oui. Donc, également, il y a un court texte de Marc-André Arsenault sur le projet Cinétique à la Galerie R3 qui se déroule jusqu'à demain. Et Cinétique, c'est un projet dont les œuvres sont numériques. Et par ailleurs, aujourd'hui, à 15h30, il y aura une conférence. Hein? Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, et en passant, les expositions à la Galerie R3, c'est toujours gratuit. Oui. Mm-hmm. Profitez-en, c'est proche, c'est accessible, c'est un bel endroit. C'est beau petit cube blanc à l'entrée du campus sur des forges. C'est très, oui, beau, avec les couleurs sur les côtés. Là. Oui, moi, j'aime... pas manquer ça. Non, puis j'aime vraiment l'ambiance, comment c'est fait. Ça a l'air intimiste et grand à la fois. C'est... Oui, exactement. Allez-y. Très d'accord. On a également un retour sur le spectacle de Stéphane Fallu par Marianne Chartier-Boulanger et en première partie Yannick Martineau. Et ça, c'était un spectacle organisé par l'ASK ou l'Association des étudiants en sciences comptables et administratives. Est-ce qu'il y a déjà eu une parodie genre de talk show du matin avec Stéphane Fallu puis ça s'appellerait Fallu Bonjour? Ça s'est déjà eu lieu? Je le sais pas, mais c'est une bonne idée. Bonne idée, hein? Tu pourrais être ça. Vous pourriez être son sidekick, ça Tania Pitois? Ben ouais. Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tania et Mathieu. Mmh. Hey! Vedette d'iTunes et YouTube. Oui. Merci. Donc, il y a également La Luître. Oui, il y a Improvisation. Oui, on n'a pas encore celui de lundi qui vient de passer, mais lundi dernier, l'autre lundi d'avant, c'était une improvisation pleine d'énergie, même un petit peu bordélique, mais il paraîtrait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en début de partie. Ouais, non, c'était assez relax, mais bon. Mais il y a des matchs qui ont plus de monde que d'autres, c'est normal avec le train universitaire. Là, il n'y a pas de match lundi qui s'en vient, c'est la semaine de relâche. Oui, ça va vrai. À l'autre semaine après. Oh. Mais il y a un match spécial, si je me souviens bien. Allez voir la page Facebook de La Luître. On joue dans les prochains jours, je crois que c'est même ce soir. Ok, déjà? Oui, il me semble. Eh bien. Et il y a aussi le retour sur le spectacle du groupe alternatif Sons, en première partie DJ Noah Bic. Et ça, c'était au Café Zenob, et c'est dans le cadre des Off Nuits Polaires, qui font partie des Nuits Polaires, parce que c'est rare qu'un festival Off fait partie du festival Mère. Mm-hmm. Mais là, c'est vraiment organisé par les Nuits Polaires. Donc, c'est bien. Et en sport, des bonnes nouvelles. Ah oui? Oui, c'est un petit peu déprimant ces derniers temps, mais là, c'est des bonnes nouvelles que je vous apporte. Ah, vas-y donc. Oui, parce que d'abord, il y a l'équipe des Patriots de cheerleading qui reprend le poil de la bête. Et après avoir été classé en quatrième position lors des deux dernières compétitions, eh bien là, l'équipe s'est retrouvée en deuxième position. Et se retrouve également en deuxième position du classement général. Ce qui est très bien. Et aussi, les équipes de soccer, ça semble aller mieux parce qu'on parlait de défaites, mais là, ça va mieux. D'abord, l'équipe féminine en fin de semaine, elle a stoppé sa série de 5 défaites par une nulle. Bon. Et également, l'équipe masculine qui a eu une victoire. Et là, ça s'est avéré une nulle, mais au moins, ils n'ont pas été défaits. Donc, aussi, il y a le bilan de la saison de patinage de descente de vitesse d'Olivier Larouche, qui est étudiant en environnement ici à la maîtrise, et parce que lui, il fait des compétitions de Red Bull Crash Ice ou encore de la Coupe Riders, qui est comme un dérivé un petit peu aussi, mais qui fait partie d'un tout. Et il paraîtrait qu'il aurait sa meilleure saison en vue. À date, c'est sa meilleure saison à Olivier Larouche. Donc on va voir ça, parce qu'il reste deux compétitions, dont une en Abitibi, dans son patelet. Il y a également aussi 4 athlètes de l'équipe de natation des Patriotes qui se sont rendus au championnat canadien universitaire de natation. Donc, il s'agit de Raphaël Robert, Jeannelle Gay-Boisvert et Annie-Pierre Labbé et Justine Ricard. Ouais. Il y a également l'équipe de cross-country aussi, même c'est l'hiver. L'équipe court quand même, ben oui. Avec des souliers à crampons? Oh, en fait, non, c'est intérieur. Oui, c'est des plus courtes distances. C'est des petits obstacles tout de rajouter? Je sais pas, par contre, c'est une bonne question. Ça, c'est plus de la course. Okay. Mais quand même, là. Ouais. Faut être en forme. Donc, l'équipe de cross-country, même si c'est l'hiver, c'est ça, comme je viens de le dire, je lis. Et comme le toit vient de nous le dire en faisant tomber une grosse chute de neige dans mes yeux, ça m'a déconcentré. C'est ça l'hiver. Bonjour. Oui. C'est fou l'hiver. Hein? On revient. Ah oui. Pour parler du cross-country. Oui. Donc, l'équipe a pris part. En fait, à la compétition intérieure du Redmond Classic de l'Université McGill qui a lieu les 17 et 18 février. Et prochaine course, c'est le 25 mars. Je pense à La Salle, si je ne me trompe pas, qui est un arrondissement de Montréal, mais là, ça va être extérieur cette fois-ci. Ouais. Actualité! Oh! Il y a plein de choses. Ma feuille, une page complète. Une page complète de feuilles, simple interligne, c'est incroyable. Ah, j'en reviens pas. Moi aussi, je capote. Trop de stock! Mais c'est bien, ça veut dire qu'on est dynamique. Ben, c'est ça, qu'il se passe plein de choses et qu'on est sur la nouvelle. C'est excitant. Donc, en actualité, l'Association des chercheurs et étudiants chinois à l'UQTR a tenu le 16 février dernier un événement soulignant le Nouvel An chinois, qui est sous le signe du chien cette année. Et 150 personnes de la communauté, que ce soit des professeurs chargés de cours étudiants ou même des curieux, sont venus assister au Nouvel An chinois qui s'est tenu au 10-12. Il y a durant la dernière réunion du CA de la GQTR plusieurs sujets. Mais deux importants, c'est-à-dire la visite de Louis-François Major du Plan Major, qui est le plan d'assurance des étudiants, qui, lui, considère peut-être d'enlever la couverture destinée aux conjoints et conjointes étudiants. Okay. Mais les conjoints et conjointes pourraient payer leur assurance, par contre. OK, il y aurait le droit d'être sur le plan, il faudrait juste qu'ils déboursent un petit peu plus. Oui, okay. Exactement. Et aussi, qu'est-ce qu'il y aurait également, parce que le cas du paiement des frais de session sans la carte de crédit a fait beaucoup de vagues. Oui, c'est sûr. Et là, finalement, le CA a mandaté la GQTR de négocier avec l'UQTR pour justement... trouver une façon de pouvoir... Parce que c'est sûr qu'il y a des frais qui sont redevables aux compagnies de carte de crédit quand on se fait payer par carte de crédit, mais c'est comme un service à offrir aux étudiants. Oui, c'est sûr que c'est pas d'encourager le crédit, mais des fois... Parce que des fois, sinon, tu pourras pas aller aux études si t'as pas l'argent dans ton compte. Là, oui, puis c'est carrément ça qu'on a entendu dans... quand on a fait l'article là-dessus. Ouais. Donc, également, vendredi dernier, c'était le deuxième colloque sur l'économie sociale et associative présenté par la COPSCO Trois-Rivières. Notre collègue Chloé Rousseau a pu s'entretenir avec Jason Rivet, qui est président de l'organisme et coordonnateur de l'événement. Donc, notre collègue Anthony Morin fait plusieurs choses. Ah oui? Il a notamment donné une conférence sur le consentement. Ah. Et l'activité est organisée par l'Association des étudiants en sexologie, dont il était le président. Oui, et qui a sa propre émission, Anthony, avec ses gens-là de sexologie, les mardis matins. Oui. Entre 10h et midi, ici même. C'est fou le sexe. C'est ça. Donc... c'était comme on connaît Anthony Morin. C'est sûr qu'Anthony Morin, c'est quelqu'un qui aime pas qu'on s'ennuie. Donc, il y avait du théâtre, de l'humour et de la vulgarisation aussi, parce que sur le consentement, le sujet est quand même assez sérieux. Ouais. Donc, il y a également le retour sur la manifestation des étudiantes en sage-femme qui a lieu le 20 février dernier. Donc, la revendication, c'est concernant les stages rémunérés, parce qu'ils ne sont pas rémunérés durant leur stage. Et en actualité, il y avait également aussi la conférence offerte par le doctorant en neuropsychologie et psychologie, Guillaume Zulude, dont le thème pivot de sa conférence, c'était le non-verbal. Ah. et c'était une activité conjointe avec Récréo, Administration et Psychologie. C'était conjoint, mais il fallait qu'ils payent leur affaire à part, comme c'était une joke de plan majeur, mais c'était plus... c'était pas très bon. Mais là, c'est ça, c'est à l'heure. Ça aurait été bon tout à l'heure. J'ai pas de timing en ce moment. C'est pas grave, on va voir que c'est un rhume de cerveau. Merci. Donc, il y a Vincent Cheval, quant à lui, qui a fait le résumé de l'Assemblée générale extraordinaire. Quand on parle d'Assemblée générale extraordinaire, ça veut dire que c'était pas l'Assemblée générale annuelle régulière. C'est une bonus. Ouais, exactement. Ouais. Mais la Jupiter, chaque année, en font une l'hiver. OK. Donc, et de quoi ça parlait? Le point chaud que suscitait beaucoup de discussions, eh bien, c'était concernant le CA de la chasse-galerie. Parce que présentement, en fait, la chasse-galerie devient une société à but lucratif. Ouais. Là, on avait... Tu peux expliquer pourquoi, dans le passé, pourquoi c'est devenu comme ça? Est-ce que ça ferait encore techniquement partie de la GEQTR? Ça peut pas faire partie de la GEQTR OSBL et en plus être à but lucratif. Ben, c'est comme à part... En fait, la chasse-galerie aurait sa gestion à elle, mm-hmm. dont un CA. Et c'est ça qui a suscité beaucoup de débats parce que les gens se sont dit, ben si la chasse-galerie a son propre CA, les étudiants pourront pas décider du sort des... Parce que ce sera plus géré par par le GE, finalement. Mais officiellement, qu'est-ce que ça serait? C'est que le CA de la chasse-galerie s'occuperait du quotidien et le CA de la GQTR s'occuperait de la gestion en tant que telle. OK, donc ce serait comme un genre d'hybride. Pas tout à fait... C'est sûr que les étudiants payent des cotisations encore pour la chasse-galerie quand même. C'est ça qui est bizarre, c'est à but lucratif et qu'on prend en plus fait, des cotisations. Pourquoi? Hein. C'est juste que les étudiants internationaux ne pouvaient pas séjourner au CA de la GQTR sinon. Ouais. Parce que la régie des alcools interdit à un étudiant international de siéger à un CA. Oui, non, ça je comprends. Ouais. C'est pour ça que en fait, on a créé le CA de la chasse-galerie puis que la chasse-galerie est devenue une société. Je ne sais pas si elle est devenue ou est en voie de le devenir. Une société à numéro. OK. Ben, je trouve juste ça bizarre par rapport au but lucratif, étant donné que une OSBL est supposée réinvestir l'argent dans la compagnie, comme nous ici, si on fait un profit, on leur mettrait dedans. Mais à chasse-galerie, si c'est rendu à but lucratif, ça veut dire qu'ils peuvent juste faire du cash. Est-ce que c'est bien lucratif? Je vais vérifier. C'est une société à numéro. OK. Ben, c'est ça, c'est de voir c'est quoi, parce que j'avoue que ça, est-ce que ça va rester une OSBL? Ben, en tout cas, on va vérifier pour être sûr, mais ça devient une société à numéro. Okay, donc, je m'emporterai pas plus que ça. Moi non plus, parce que je veux pas dire de niaiserie là-dessus. C'est ça, exact. Parce que je suis pas administrateur. Donc, non. Et là, il y a également des chroniques. Oui, plein de chroniques sur le blog. Oui. Comme? Donc, chroniques littéraires. Il y en a deux. Oh. Nouvelles de Judith Étier. Oui. Ben, j'allais toujours dire Judith Lucier, mais c'est pas Judith Lucier. C'est la fille de Sexplora. Non, ça, c'est Lily Boisvert. Oh. Mais elle est avec Lily Boisvert pour les brutes. Oh. Fait que t'avais une partie raison. Calé, c'est malin. Ben oui. Donc, Judith nous parle de naufrage de Biz et vraiment, ça l'a remué au point que le lecteur est remué. J'avoue. Biz de Locolocas? Oui. Ah oui. Qui est auteur, qui a écrit 4 ou 5 romans et ça s'appelle Naufrage et il paraît que ça parle de la descente d'un homme. Oui, ben. Et oui, il paraît que ça fesse. Ça fesse. Et il y a également une critique du livre de Danny Laferrière, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, qui est la conversation entre deux immigrants. Il paraît que c'est très intéressant aussi. Et les cas d'inconduite sexuelle semblent préoccuper également nos chroniqueurs. Par exemple, Éliane Baudry, dans sa chronique Sexologie, nous parle des cas de harcèlement au travail. Et notre éditorialiste Samuel Pedro Beauchemin se sert des relations de professeurs et étudiants pour nous parler d'éthique. Ah, ça peut être bon, ça. Oui, ça me donne envie de le lire, ça. Oui, c'est très intéressant. Deux chroniques... Mais en fait, toutes les chroniques sont intéressantes. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc, le blog permet également d'introduire en primeur nos deux nouveaux chroniqueurs sportifs. Ah, oui, oui, on en a deux pour le prix d'un. Ben, génial. Ça... Pour vrai, vous avez coupé le salaire en deux. Hein? Ben non. C'est pas cool, ça. Non, non, ils valent tout l'or du monde. Ah, donc, okay, cool. C'est pour ça qu'on les a engagés. Chance. Ah, de la poésie. Donc, tous les deux sont en communication sociale. Et chacun a un cas précis. Donc, Antoine va être plus dans le plein air, tandis que Jessica, ça va être des trucs vraiment qui l'intéressent, des questions qu'elle se pose et qu'elle va essayer de répondre. Et donc, sûrement que la communauté se pose aussi. Démystifier les sports. Oui, cool. Exactement. Donc, dans sa première chronique, elle s'entretient avec Jean-Philippe Glaude, qui travaille au bureau de l'International, mais qui est également recruteur pour les Predators de Nashville. Wow! Mm-hmm. Donc, elle veut savoir, qu'est-ce que ça fait un recruteur? Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça regarde des matchs de hockey. Oui! Entre autres. Mm. Mais oui, c'est vrai, pour pouvoir recruter des joueurs qui vont faire la LNH ou d'autres ligues. Ouais. Et Antoine nous parle du Festival des films de montagne de Banff qui s'est arrêté à Trois-Rivières. Ben oui, mm-hmm. Antoine qui est venu nous en parler il y a quelques semaines ici à Sondage Rocky. Il est rendu chroniqueur à l'émission aussi. Ben oui, c'est en le fun. En plus du journal, il y en a qui s'impliquent à fond. Oui, ben on aime ça. Ça faire des échanges. Ouais, Antoine Ricard. Oui, mm-hmm. Antoine Lapointe Ricard. Oh, il y a un deuxième nom. Oui. Oh ben, c'est pas écrit sur son Facebook, ça. C'est un cachet. Oh ben. Ben oui, et Jessica Marchand, c'est Jessica Marchand. Il n'y a pas d'autres noms de famille. Non, sauf que sur Jessica, il y a quelque part. Ouais. Au début, à la fin, au milieu, je sais plus. Deux personnes, deux chroniqueurs vraiment prometteurs. On a hâte de voir la suite. Voilà. C'est tout? Ben non. Non, arrête de chronique. Hey, wow, minute, laissez le temps. Excuse-moi. Ben comme ça me permet de moins de parler de l'Eurovision. C'est ça, ben eh bien, merci, oui. Merci. Parce que c'est important, le monde campus. Oui. Donc, plus important que l'Eurovision. Ben oui, c'est vrai. Ben pour vrai, oui. Là. Ben oui. L'Eurovision, c'est un sideline. C'est ça. C'est du divertissement. Ben oui. Ben oui. Ben zone campus, ça peut être divertissant aussi, oui. Mais ça peut être sérieux. Mais en étant comme... informatif. Oui, comme là, c'est assez sérieux ce que je vais parler parce que je vais parler de la chronique de l'histoire du suicide par Gabriel Senneville. Ouf. C'est pas très jouissif, mais ça permet quand même de mieux comprendre l'évolution des mentalités par rapport à ce drame-là, comment la société québécoise a évolué à travers le suicide. Et je le dis souvent, ça va cliché, mais l'histoire, ça permet de mieux comprendre comment qu'on est comme société. Ouais. Donc, c'est une chronique qui est quand même douloureuse d'une certaine manière, mais c'est quand même... important. Gabriel, Gabriel l'a bien abordé. C'est vraiment avec beaucoup de tact, beaucoup de froideur en même temps aussi. Donc, allez le lire, ça vaut la peine. Mmh. Et il y a également aussi une autre chronique à lire, la chronique cinéma de Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de deux films, Lazy Bird et Aus dem Nichts. Je me rappelle plus, je pense que c'est Avant que la nuit tombe, quelque chose comme ça, mais c'est un titre allemand. Ah oui. Aus dem Nichts avec Diane Kruger, qui parle d'une femme endeuillée suite à la mort de son mari et de son enfant à la suite d'un attentat terroriste. Aïe, aïe, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Mais ce qui est intéressant dans la critique de Louis-Étienne Villeneuve, c'est que l'avis de Louis-Étienne n'est pas le même que les critiques. Ah, pour vrai? Oui, parce que Lady Bird, tout le monde a encensé Lady Bird. Oui, oui. Tandis que les critiques ont été plus mitigées pour Aus dem Nichts. Mm-hmm. Tandis que, ben, allez voir. Ah, allez c'est voir. Ça. Allez ouais. voir. Allez lire. C'est tout. C'est tout. Hey, Colin, c'était le fun, ça. Ah oui. Belle petite chronique. Tantôt, quand tu as parlé d'improvisation, j'ai dit qu'il y avait un match spécial de la lutte. Oui. C'est effectivement ce soir, 19h30. C'est au Fiozen Café à Grand-Mère. Oh. C'est donc une équipe de la Résistance, une ligue d'impro là-bas, dans laquelle jouent certains joueurs de la lutte. Oh. Magali Brousseau-Arcan et Marc-André okay. Marion Flamand. Wow. Pour la lutte, notre chroniqueur émérite Frédéric Simon. Va être dans l'équipe en tant que capitaine. Il y aura aussi Maxime Landry, Alexandre Marchand, le très populaire gars de matière noire et autres. Wow. Marc-André Marion Flamand et Alexandrine Pichessire. Donc, ce sera l'équipe de la lutte contre la Résistance ce soir, 19h30, au café Philosène. Oh, ça va être intéressant. Voilà. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. Une petite chanson pour quitter ça. Hein? Oui, parce qu'on a dit que le groupe Sons était venu en spectacle durant les Off Nuit Polaire. Mm-hmm. Et on va présenter un projet qu'ils ont fait avec Jerusalem's of My Heart. Et la tune s'appelle Safe. On écoute ça tout de suite à Sondage Rocky. Et on revient tantôt, toujours avec David Ferron, pour parler de l'Eurovision. Plein de novelty. Tantôt. On me donne 15 minutes max. Thank you.